La diffusion de ce podcast spécial WWDC est rendue possible grâce à l'agence web ReptileTech. Détendez-vous, on s'occupe du reste. Et de Telestream et son logiciel de diffusion Wirecast, en direct de n'importe où à n'importe où. Yeah, hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Exactement midi, nous sommes lundi le 10 juin et surprise, c'est Noël aujourd'hui. C'est Noël, car il neige dans nos têtes. Bienvenue au podcast Mac Québec. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour. On est chez Clickpom en ce moment et on attend avec impatience, comme vous, le déroulement de la keynote qui aura lieu dans à peu près une heure. Et d'ici là, en fait, on va vous présenter bien des choses. Mais la première chose qu'on va vous présenter, c'est le podcast Mac Québec et les amateurs de Mac, bonsoir. Donc, le podcast Mac Québec est votre show bi-hebdomadaire à propos des dernières nouvelles du monde Apple. Et les amateurs de Mac, bonsoir, sont votre show de questions et notre show de réponses qui permettent de régler vos problèmes et de mettre la main sur une petite application dans le processus. Aujourd'hui, ça joint avec moi une équipe d'élite, une équipe en feu. Ça fait un mois et vous le verrez par leur mine un peu déconfite ce matin. ça fait un mois qu'on travaille à la présentation de ce podcast live pour vous. Et Monsieur Bernard Ouellette, la voix du podcast au Québec, qui se joint à nous. Bien, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Hâte de voir ce que Apple va présenter? J'ai très, très hâte d'avoir les nouveautés... des nouvelles fonctionnalités dans les différents OS. Donc, j'ai bien, bien hâte de voir ça. Excellent. Se joint à moi mon comparse de longue date, Jean-François Roy, le smooth operator de la journée qui va dealer avec... qui va dealer avec le Wirecast. D'ailleurs, on va vous parler un petit peu plus de ça tout à l'heure. Ça va bien, Jeff? Oui, ça va très bien, toi? Oui. Est-ce que c'est la dernière chance que tu donnes à Apple? J'ai chaud. Excellent. Il s'est joint à nous depuis quelques semaines au podcast, monsieur Jean-Michel Boily. Vous ne l'aimeriez pas en colère. Mm-hmm. Vidéotron, c'est quelque chose. Ça va bien, Jean-Michel? Très bien, merci. Oui, excellent. Et se joint à nous Benoît Mercier, en fait, qui est déjà venu à un événement il y a quelques temps. Il va s'occuper, il y a deux ans. Il va s'occuper, en fait, du Twitter. Il voulait ne pas perdre la main, je pense. Exactement, c'est ça. Tu sais que je suis un spécialiste à Apple, Alexis. Donc, je me suis dit, je vais me joindre à l'équipe de Mac Québec. Essayer de coordonner tout ça. Bon, excellent. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rapporter les tweets, les questions, les commentaires que les gens ont sur le hashtag de l'émission, donc MQWWDC13 sur Twitter. Donc, je vais rapporter justement les commentaires. Essentiellement, ce que je fais ailleurs, sauf que là, je suis pas payé. Donc, mais je le fais avec plaisir, donc merci pour l'invitation. Mm-hmm. Là, on voit pas à cause de la caméra, mais il est attaché avec une paire de menottes à la chaise. J'ai perdu une bête. Excellent. On nous dit qu'on a Vincent en ligne. Non. Ah, OK. On dit à Vincent de rappeler. Je rappelle qu'il ne raccroche pas. Un événement comme ça, ça ne se monte pas tout seul. Ça aurait pu, mais ça aurait été... En tout cas, là, on a pris des bouchées doubles et triples. Donc, on a des commanditaires qui se sont joints à l'événement. Vous allez en entendre parler quelques fois pendant le podcast, mais on va en parler rapidement. Donc, d'abord, l'agence web ReptileTech, qui se spécialise dans le web interactif et les solutions multiplateformes. Vous pouvez visiter leur site web pour plus de détails au www.reptiletech.com. Le support qu'ils ont donné, en fait, pour le podcast a vraiment été primordial à date. On était avant la présentation, on était déjà 80 personnes sur le channel et ils se sont assurés, en fait, qu'on pouvait être là on pense topper 50 000. Fait que ils ont vraiment donné un sérieux et un très bon coup de main là-dessus. Donc, si vous les avez comme partenaires ou si vous cherchez des partenaires pour un événement ou encore des gens fiables et solides, ReptileTech, vraiment intéressant. Aussi, on vous en parle en fait depuis quelques semaines au podcast. On prend les défis, nous, quand ils se présentent et on a eu le défi d'avoir comme commanditaire un sex shop, à proprement parler. Donc, à ce moment-là, le Vidéo et Boutique Sex Plus, qui opère 12 boutiques partout au Québec, où les hommes, femmes ou couples en quête de plaisir pourront retrouver une vaste sélection de DVD osés, accessoires de fantaisie et lingerie irrésistible. Pour plus d'informations, rendez-vous au sexplus.ca. Et maintenant, visite à domicile avec le nouveau concept Sex Plus Party. Nous sommes dorénavant reconnus comme le podcast le plus kinky grâce à eux. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, annoncer ces produits-là, Alexis. Oh. J'ai de la pratique. Ça coule. Oui. On aimerait aussi remercier ClickPom qui nous accueille aujourd'hui et à jamais, moi, dans leur bureau et qui prennent soin de nous. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Il y a Coop UQAM aussi qui lance maintenant. D'ailleurs, les gens dans la salle à côté vont devoir se dépêcher. Donc, on lance maintenant un concours en collaboration avec Coop UQAM pour gagner une carte cadeau de 100 $. Donc, c'est le même concept que d'habitude. On va sur le Facebook de Mac Québec. Ça nous demande de liker la page de Coop UQAM et on est à ce moment-là admissible à la carte. Donc, un beau 100 $ à pouvoir dépenser dans les 6 succursales de Coop UQAM, qui n'est pas juste une boutique pour les étudiants, mais bien pour tout le monde, qui donne d'excellents conseils. Et au cours du podcast, vous allez entendre parler de d'autres compagnies, entre autres Telestream, qui nous a fourni le Wirecast, Rogers, qui nous a donné un coup de main aussi, et Production Extrême, qui nous a fourni notre swag. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Vous allez peut-être voir mieux si on présente en fait nos deux mannequins, Jean-Michel et Benoît. À ce moment-là, vous allez voir nos superbes chemises commanditées. Moi, je suis vraiment content. je me sens bien. Elle est douce. Il y avait la F1 hier. On a l'air vraiment de gars. Ben, on a grand prix, man. On est les douches Mac Québec. Il manque juste la voiture. Oui, c'est ça. On n'a pas ça. Ferrari, non, on a un métro, nous autres. C'est ça. Ferrari fabrique des métros. Voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'on a... Non, on n'arrive pas à faire la communication avec Vincent. Faudrait que Vincent est présentement dans la salle. Il est à San Francisco présentement. Effectivement. Il est, lui, un des chanceux qui peut avoir un billet pour assister à cette présentation-là. Il est obligé de vendre un rein pour le faire, je pense. Il va nous fournir, en fait, des images de l'événement dans la mesure du possible. Oui. On sait que ça peut arriver dans la salle, forte demande de réseau, donc ça peut arriver qu'il y ait des petits pépins, mais on espère d'avoir le tout. Sinon, de toute façon, on va suivre un petit peu les événements un peu partout, puis on va vous donner la meilleure information possible à mesure qu'on va la recevoir. Et voilà. Excellent. Donc, on devrait avoir des nouvelles de Vincent bientôt. Sinon, on a demandé, en fait, avant le podcast, à des gens de nous fournir un petit peu leur... Ce qu'on allait avoir comme annonce là-bas. Donc, il y a des blogueurs que vous connaissez bien. On l'a en ligne? Ça va appeler bientôt. Merci. Ah, OK. Excellent. Donc, on étire un peu. Ça va être comme ça. On est en direct d'abord. Oui, puis, on va attendre en même temps que vous les annonces qu'Apple va faire. Ouais. Fait que en premier, à 1 h, ça va commencer et on n'aura pas grand-chose à dire à part les chiffres qu'ils vont donner. On a vendu plus que tout le monde. Tim Cook, il vient d'arriver sur la scène. Exactement. Il a les cheveux gris, il est plate. Ouais. Écoutez-le pas sur votre Apple TV. Ou sur le site web. Venez nous voir. Voilà. Et voilà. Donc, le message est passé. Apple, maintenant, si tu veux faire des présentations... Avertis pas le matin parce que... Ben, ça a été le même aussi à la dernière... Le Mac Mini, l'iPad Mini. Ils t'ont sacré le patch le matin. Mais c'est correct pour ton iPad Mini, c'est grand public. Mais là, ils ont fait payer 5000 personnes, 1600$ pour être dans la salle. Pas seulement pour être dans la salle. Ils sont là une semaine. C'est les 5 jours qui viennent après là, qui sont intéressants pour eux. Exactement. Mais moi, j'aurais payé 1600$ pour être la première journée. Puis, ils ont décidé de le diffuser sur Internet. On vous dit pas où. Trouvez-le vous-même. Trouvez-le. Voilà. On essaie encore de faire la communication avec Vincent. Sinon, d'ici là, on va vous présenter le petit vidéo qui a été fait par nos amis. Vous allez voir, c'est des gens qui sont quand même connus sur la scène Mac au Québec. Donc, on vous présente ça et on revient tout de suite après. Alors, mes prédictions pour le WWDC de lundi. Écoute, les MacBook Air sont une chose assurée pour moi. Je vois que déjà dans le canal, pour nous les revendeurs, il n'y en a presque plus. Nouveau processeur dans les MacBook Air, meilleure performance, mais je ne crois pas qu'il y aura d'écran Retina parce que je crois qu'un MacBook Air 13 pouces Retina ferait une énorme compétition au MacBook Pro 13 pouces Retina. Alors Apple va vouloir garder un écart entre les deux produits. Donc, les écrans Retina ne seront que dans les MacBook Pro qui, en passant, eux aussi devraient être mis à jour lundi. Je suis convaincu qu'Apple va retirer les modèles de MacBook Pro qui ne sont pas Retina pour laisser simplement deux modèles par gamme, donc deux 13 et deux 15. Je crois aussi qu'on va annoncer le Mac Pro. Il est temps, mais qu'il ne sortira pas tout de suite, malheureusement, puisque je crois que c'est la fameuse machine que Tim Cook a promis de faire construire aux États-Unis, au Texas, dans une nouvelle usine qu'Apple est à construire. Donc, l'usine n'étant pas prête, je ne vois pas comment le nouveau Mac Pro pourrait sortir lundi. Mais je crois qu'il va être à tout le moins annoncé et sortir l'automne prochain. iOS 7, où on voit déjà les bannières, mais moi, je ne m'attends pas à ce qu'iOS 7 soit disponible lundi. De toute façon, ce serait une belle jambette aux développeurs de sortir un nouveau système d'opération pour les millions et les millions de produits iOS qui existent sans avoir au moins fourni aux développeurs l'occasion d'adapter leurs applications. Alors, iOS 7 va être montré, j'espère, par Jonathan Ive lui-même. Et bien sûr, probablement, donné aux développeurs lundi pour qu'ils puissent, au cours de l'été, adapter leurs applications, et iOS 7 sortira en septembre avec les prochains produits iOS, nouveau iPad, nouveau iPhone, cet automne. La conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte intéressant. D'un côté, on a Android, dont les parts de marché augmentent beaucoup. Le low cost semble avoir fonctionné. La saturation du marché avec des tonnes d'appareils fait en sorte que de plus en plus de gens choisissent ce système-là. Il y a BlackBerry 10 qui est tranquillement de retour dans la course hein, avec une mise à jour majeure de son système. BlackBerry a maintenant une interface beaucoup plus intéressante. Et Windows 8, il y a des tablettes, les modèles se multiplient et tranquillement, les consommateurs sont de plus en plus tentés par ces appareils-là qui coûtent souvent, il faut le dire, moins cher que l'iPad d'Apple. Alors, que doit faire Apple et iOS 7 pour continuer d'innover ou pour garder sa position dans le marché? Je n'irai pas de prédiction, là, ça sert à rien de jouer au médium, mais des choses intéressantes qui pourraient être modifiées, notamment l'écran d'accueil qui commence à être un peu vieillot, on l'entend de plus en plus. Donc, est-ce qu'on pourrait y voir des widgets sans que ça ralentisse nécessairement l'appareil? C'est souvent ça le risque. Le navigateur aussi, hein, qui pourrait avoir une petite mise à jour, on le voit dans un contexte où Chrome prend de plus en plus de place sur iPad et sur iPhone. Alors, que doit faire Safari de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? L'ajout de plugins, un bouton pour passer à la version non mobile d'un site aussi, ça pourrait être bien. Et enfin, ben le partage. Et là, je crois qu'on a un filon intéressant. Le partage du contenu vers n'importe quelle application. Là-dessus, Apple est un petit peu en retard. Sur Android, une photo, on peut la mettre sur n'importe quelle application du téléphone et l'envoyer. Alors, ce seraient des aspects intéressants à surveiller. Chose certaine, ce sera d'un œil attentif qu'on suivra tout ça aujourd'hui. Pour la dub, je pense que ce qui va être présenté, c'est évidemment iOS 7 et malheureusement 10.9, j'y reviendrai. iOS 7, tout le monde attend beaucoup d'énormes changements. Personnellement, j'espère que la cosmétique ne sera pas trop changée parce que moi j'aime bien le skeuomorphisme et j'ai peur que la simplicité de Johnny Ive qui marche très bien sur le hardware marche pas forcément sur le software, en tout cas pour moi. Pourquoi je dis que j'aimerais que 10.9 malheureusement, parce que je trouve que depuis quelques années c'est un petit peu la course en n'importe quoi avec les versions de macOS, puisque depuis quelques années tous les ans on a droit à une nouvelle version, ce qui n'était pas le cas avant. Avant il fallait 2-3 ans pour la développer, et puis j'ai un peu peur que ce soit développé trop vite, et puis Et puis il y a aussi cette histoire de, ça paraît débile, mais ce numbering, c'est-à-dire 10.9, mais après ce sera quoi l'année prochaine? Ce sera 10.10 ou est-ce qu'ils nous sortiront un truc de leur chapeau? Donc je sais pas trop. Et puis honnêtement, moi je préférerais un 10.8 qui a encore quelques versions derrière lui, genre 10.8.8 par exemple. Très stabilisé, voilà, plutôt que d'encore ajouter des bells and whistles. Puis sinon, ce que j'espère vraiment personnellement, mais je pense pas que ça se passera, contrairement à mon ami ici, Jason Harris, qui est assez persuadé, ce serait la iWatch, les wearables, et donc la montre de Apple. Moi, j'attends ça un peu comme un fou, parce que je pense que ce serait un des premiers à me l'acheter. Mais je pense pas que ce sera pour demain. Je pense que ça va durer encore un peu de temps. Encore quelques mois peut-être. Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le technophile.net et le podcast photo Objectif Numérique. Ce que je crois qu'Apple va annoncer au WWDC, c'est pas très sorcier, c'est une nouvelle version d'iOS, iOS 7, et probablement une nouvelle mise à jour pour macOS. La version 10.9, selon moi, ça sera pas tout de suite la version 11. Et ce que j'aimerais qu'Apple implémente dans iOS 7, ce serait des icônes ou des tuiles actives, un peu comme dans Windows Phone, ou des widgets, comme sous Android, parce que les petits icônes carrées, c'est bien beau, mais c'est assez révolu. Et ensuite, ce serait bien d'avoir un écran avec des raccourcis, comme pour le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça, comme ça se fait déjà sur Android. Et d'ailleurs, c'est possible de le faire sur un iPhone, parce que ce petit iPhone 3GS jailbreaké peut le faire. Voilà. Donc, c'était ma petite prédiction et commande pour Apple. Bon WWDC. On est de retour. On est de retour. Donc, les quatre personnes que vous avez vues, c'est Jean-Marie Jaulois, qui est consultant à Apple, que vous connaissez bien grâce à Monsieur Net. Benoît aussi le connaît bien. Oui, c'est un collaborateur. Effectivement. Vous avez eu aussi, c'est Patrick Pilon, qui est à ici Gatineau. Mais ici, on est à Montréal, mais lui est à Gatineau. Vous avez aussi Stuff MC qui est un animateur de podcast qui a fait des podcasts il y a très très longtemps, le Pomcast, excellent nom de podcast à propos d'Apple, et en fait il est à San Francisco actuellement pour des compétiteurs, en fait on refait le Mac qui est un podcast équivalent au nôtre, mais un podcast en français, France, ouais. Voilà. Et finalement, en fait, notre ami le technophile Stéphane Vaillancourt, qui est allé de ses prédictions. En fait, ce qui revenait beaucoup dans les conversations, c'est les widgets. Oui. Donc, widgets, on parle un petit peu dans le monde d'Android. Oui, c'est ça. Quand on parle de widgets, on est proche d'un petit peu d'Android. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une innovation? On parle beaucoup qu'Apple est plus capable d'innover. Il faudrait s'entendre d'abord sur la définition de innovation. D'abord, on a entendu aussi beaucoup parler de l'aplatissement ou en tout cas l'épurement du look de l'OS qui devenait un petit peu n'importe quoi avec le skeuomorphisme. D'ailleurs, Stuff MC, lui, nous a rappelé qu'il aimait bien ça, le skeuomorphisme, le fait d'avoir des comportements de la vie réelle qui sont reproduits sur l'appareil pour pouvoir l'opérer plus facilement. Le meilleur exemple, c'est de pouvoir tourner la page exactement comme dans un livre. Il y a des textures aussi qui viennent avec ça dans le calendrier, puis des trucs en cuir et tout ça. Donc, est-ce que le fait d'aplanir l'interface et de rajouter des widgets, est-ce que tu penses que les gens qui parlent contre Apple diraient « voici l'innovation » ou on va encore entendre que Apple a copié Android à ce moment-là? Moi, ce que je pense, c'est ce qui arriverait, c'est ce qu'Apple annonce aujourd'hui. Moi, je me dis, si tu aimes un système d'exploitation, tu vas aimer certaines caractéristiques de cette plateforme-là. De vouloir avoir quelque chose qui est dans une autre plateforme, mais tant qu'à ça, reste sur Android. Il faut qu'à un moment donné, si les deux systèmes d'exploitation font exactement les mêmes choses... Il n'y aura plus de raison d'être avec un ou avec l'autre. Il n'y aura plus de distinction entre les deux. Exactement. Donc, moi, je préfère plutôt que iOS soit plus spécifique et des choses qui sont vraiment très spécifiques et qu'Android aussi ait ses spécificités... C'est drôle, en fait. Les gens qui aiment Apple veulent qu'on s'éloigne d'Android. Les gens qui sont sur Android veulent qu'Apple devienne... plus comme Android, mais plus Apple va devenir comme Android, plus les gens qui sont sur Android vont chialer contre Apple, parce que là, vous êtes en train de copier, blablabla. Puis plus les gens qui sont sur Apple vont dire, ben non, ça devient un Android, je veux plus, ouais. Je veux plus d'Apple. Ça, donc, c'est vraiment pas la voie à suivre pour Apple, on s'entend là-dessus. Non, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans un OS qui nous manquerait réellement, là? Tu sais, des trucs qu'on a vus dans d'autres OS, dans BlackBerry cette année, dans Android, et qui pourraient vraiment comme faire que, bon, ça serait des améliorations. On a entendu au cours des derniers jours le fait que Apple pourrait ouvrir à d'autres claviers. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, Jean-Michel? Toi, avoir un clavier peut-être, toi qui as essayé un Android, est-ce qu'un autre clavier pourrait améliorer ta vie sur iOS? J'ai essayé d'autres claviers sur Android, mais ça n'a vraiment pas été concluant. Là. Mais il faut dire que le clavier de base sur Android était vraiment pas bon, là, je trouve, là, comparativement à iOS. Puis moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me ferait choisir plus une plateforme qu'une autre pour pouvoir customiser le clavier. Là. Ça va rester un clavier. Là, de mais toute est-ce façon. Que tu es satisfait avec le clavier Apple actuel? Très satisfait. OK. Benoît, Bernard, tu es satisfait avec le clavier actuel? Moi, oui. Benoît aussi, le clavier, oui. Ça va. Puis Jean-François aussi. Donc, on ne change pas le clavier. On a parlé aussi du fait de pouvoir choisir les applications par défaut, c'est-à-dire de quand on clique sur un lien pour un nouveau email, quand on clique sur un lien web, ça ouvre Safari actuellement, ouais. Ça ouvre Mail, ça ouvre les logiciels de Apple. Maintenant, on voudrait pouvoir dire quel logiciel s'ouvre. Donc, pour pouvoir utiliser Chrome, entre autres, comme furteur, pouvoir utiliser Google Mail pour le mail, pouvoir utiliser Goodreader pour ouvrir un PDF au lieu de l'engin fourni à l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce qu'il y a des logiciels que vous aimeriez utiliser à la place des logiciels par défaut de Apple? Moi, j'aimerais avoir le choix de dire, bon, si je veux Chrome comme navigateur, j'aimerais ça avoir le choix que par défaut, ce serait Chrome qui s'ouvre, par exemple. Mm-hmm. Donc, justement, le fait de paramétrer nos applications préférées selon la fonction. L'autre chose que j'aimerais avoir, on a beaucoup de personnes qui en parlent, surtout pour l'iPad, c'est le multi-usager. De pouvoir avoir des configurations différentes sur le même appareil. Donc ça serait quelque chose qui serait très, très, très bien à avoir, surtout dans l'iPad, moins dans l'iPhone. Moins dans l'iPhone. Sur BlackBerry, on a la possibilité de basculer entre ta vie personnelle et ta vie privée. Donc, en fait, en utilisant le multi-compte, on pourrait émuler un peu la même chose. D'avoir ton côté bureau pour. Parce que bien sûr, il y a des gens qui ont le iPhone qui est fourni par leur entreprise. Mm-hmm. Donc, ça serait bien de séparer l'entreprise, le bureau, le travail du personnel. Oui. Tu as les applications bureau, les deux premières pages, puis les trois autres pages, c'est comme Cut the Rope puis Angry Birds. Puis après ça, ça recommence avec les dernières applications du bureau. Fait que si on était capable de séparer ça, ouais. Ça pourrait être intéressant. On en avait déjà parlé à l'émission, c'est-à-dire que il y a des commissions scolaires qui ont refusé de prendre le iPad justement parce que une fonctionnalité comme ça était manquante dans l'appareil. C'est-à-dire que eux, les iPads, ils peuvent pas en acheter pour chacun des élèves. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est acheter un appareil qui va se promener de classe en classe. Mm-hmm. Mais ils veulent pas justement que les informations soient disponibles d'un étudiant à l'autre. Donc, ils voudraient pouvoir les cloisonner avec du multicompte qu'on a de toute façon dans nos ordinateurs. Exact. Sinon, est-ce que il y a des choses du côté de l'OS, je me tourne vers Jean-Michel, OS 10.9 qui va être annoncé manifestement aujourd'hui. On a vu des bannières avec un beau X. Au fur et à mesure des années, il a épaissi depuis 10.0. Il est devenu de plus en plus aluminium, de plus en plus dans l'espace. Voilà, la texture changeait, mais... C'était pas mal le même X. Là, quelque chose de vraiment épuré. On y va avec une fonte Helvetica New Ultra Light qu'on peut même pas vous diffuser tellement dans une diffusion qui est pas HD, ça apparaîtrait pas, avec une vague en arrière, donc quelque chose de vraiment vraiment zen, très surfer comme feeling. Ça laisse croire que l'apparence va être épurée, là, comme on entend parler là, depuis plusieurs mois là. Est-ce qu'on pense à un nom déjà peut-être pour on a entendu Grumpy Cat, on a entendu, j'ai vu 10.9 Guylaine Gagnon, je pense. Cougar, quelque chose comme ça. quoi? Non, mais on parle Mac, on essaie de plugger les mèmes là, qui roulent en ce moment. Là. Je sais que ça date du mois d'avril là, quand t'es vraiment connecté. Sea Lion, peut-être? Sea Lion. On sort du terme là, des félins. Là, puis des, ouais, là, c'est, pas, lion. C'est un mammifère, mais c'est pas vraiment la même ouais, chose. Ouais, mais c'est lion. tu sais, bon, il y a eu Snow Lion. Non, il y a eu Mountain Lion. Il y a eu Lion. Ça, ça ressemblait pas mal tout. Là, tu pars d'un lion à quelque chose que tu vas voir à SeaWorld ou à Marineland. C'est vrai que c'est pas le même zoo. Sinon, quelle autre fonctionnalité on pourrait avoir? Qu'est-ce qui manque à OS X? Qu'est-ce qui... Non, hein? C'est vide un peu. Les gens demandent beaucoup que les différents systèmes se parlent entre eux. T'sais, je veux communiquer avec quelqu'un qui est sur Android, je veux communiquer avec quelqu'un qui est sur BlackBerry. Est-ce qu'il pourrait avoir un système qui pourrait faire en sorte qu'on communique ensemble? C'est sûr qu'il y a des applications qui existent. C'est pas tout le monde qui les connaît. C'est pas toujours parfait. C'est pas toujours... Donc, il y a ce genre de logiciel-là ben, qui pourrait être intéressant. L'échange, en fait, peut se faire de différentes façons. Souvent, quand on parle d'Android, on parle des puces NFC, mais on peut aussi parler des messageries instantanées qui nous permettent d'envoyer des photos. Google Talk est disponible multiplateforme. BlackBerry Messenger a été annoncé comme étant bientôt compatible iOS et Android. Mais donc, seulement... il va être multiplateforme. Ouais, là tu parles juste avec quelqu'un BlackBerry, mais là, tu ne pourras pas avoir trois personnes en même temps se parler. Il y a un sur Android, un sur iOS, puis un sur BlackBerry. Ben, le seul qui le fait à ce moment-là, c'est Google Talk. OK, mais c'est sûr Apple qu'il y a des sera pas rentré. Non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a des applications qui vont le faire, là. Mais bon, système plus messagerie, SMS. Est-ce que quelque chose comme iMessage... bon, d'abord, il faudrait qu'il fasse fonctionner un peu mieux, là, puis que les bouts de conversation disparaissent pas, puis que bon, ça se mélange pas. Ça, c'est une première chose à faire pour iMessage. Est-ce qu'un iMessage multiplateforme pourrait être quelque chose d'intéressant? Ben oui, c'est un peu ce que je disais là, mais est-ce que c'est du style à Apple? Non, c'est ça. Non. C'est ça la problématique. De l'autre côté, il y a la puce NFC qui pourrait être mise. On a eu des rumeurs comme quoi. Bon, d'abord, une puce NFC, là, c'est zéro sécuritaire. Donc, avoir ça dans ton téléphone ou avoir une carte de crédit qui est NFC dans tes poches, pas protégée par une petite enveloppe. Je mettrais de l'aluminium alentour pour pas que personne prenne scanne ma carte NFC, je veux rien savoir de ça. De l'aluminium autour de ton téléphone. On sait comment ça marche quand tu le tiens mal. Oui, c'est ça. Donc, pas la meilleure idée nécessairement. La rumeur, c'était qu'Apple allait transformer le bouton Home en scanner d'empreinte digitale. Brûler les pouces sur vos ronds de poils. Vous allez plus pouvoir ouvrir votre téléphone. Mais ça deviendrait en fait une sécurité pour la puce NFC qu'il y a à l'intérieur. Donc, quelque chose comme... faut que tu touches à ton bouton Home si tu veux que la puce NFC soit fonctionnelle. Puis à ce moment-là, ça te permettrait de transférer les données de l'un à l'autre. Moi, j'en doute. Sais-tu, ça a déjà existé sur plusieurs appareils PC. Il y avait ce petit capteur-là pour ouvrir, débarrer son... Apple l'a jamais fait. Ça marchait comme 60 % du temps? Oui, puis non, moi, je pense pas. Moi, à mon avis, je pense pas que ça va être le cas. OK. Sinon... AirDrop, qui est une fonctionnalité qui est apparue en 10.7, 10.8, que les gens savent pas du tout utiliser. Faut que deux ordinateurs sur le même réseau cliquent sur l'icône AirDrop, qui est pas disponible sur tous les ordinateurs. C'est les machines 2009 milieu en montant. Mmh. C'est super compliqué. Fait que quand tu cliques de « Ah, moi, il est pas là, AirDrop », c'est bon. Mais si tu l'avais sur le téléphone, ça pourrait être chouette, ça. Pouvoir transférer facilement entre ordinateur et ton téléphone, qui deviendrait une espèce de clé USB à ce moment-là, Wi-Fi. Ouais. C'est probablement le système le plus simple pour le faire. Mais la majorité des fonctionnalités que les gens vont rechercher, ils vont les retrouver dans le jailbreak. Fait que regardons qu'est-ce qui se fait de mieux dans le jailbreak. Ça va nous donner un bon indice de ce que les gens, en général, veulent avoir dans leur iOS. Ben, dans le jailbreak, oui. Attendez, je vais me mettre dans la caméra. Vas-y. Dans le monde jailbreak, ce qui me manque, moi, sur mon téléphone, c'est le logiciel Byte SMS, que ça s'appelle. C'est que ça permet de... quand tu reçois un message texte ou un SMS, whatever, t'es pas obligé de sortir de l'écran où ce que t'es pour continuer à écrire. Ça pop-up dans ton écran. t'écris, c'est ce qu'on appellerait des notifications actives, c'est-à-dire que tu es en train de jouer dans un jeu, ouais. Tu as une notification qui apparaît, et là, quand tu y touches, brrr, tu sors de ton jeu, tu t'en vas dans l'application, tu réponds, tu double-cliques, tu reviens dans ton jeu. Alors que ce que t'expliques, c'est tu cliques sur la notification, ton petit tableau apparaît, t'écris dedans, tu fais scène, tu retournes à ton jeu. Ouais. Pas plus compliqué que ça. Moi, c'est vraiment cette portion-là que j'aimerais beaucoup, parce que c'est vraiment fatigant là, de sortir de l'application. Puis après, il faut que tu pèses deux fois sur ton home pour aller rechercher ton application dans le doc en bas. C'est de la simplicité, puis il y a beaucoup de gens qui savent pas comment basculer de toute façon d'une application à une autre. Fait que ils sortent de leur application, ils vont trouver l'icône, ils rentrent dans l'application, ils envoient le message, ils ressortent. Ça devient compliqué tout ça. Donc, effectivement, la notification active ou les petites patchs comme ça seraient très intéressantes. Quelque chose que tu connais du jailbreak, Jean-Michel, que tu aimerais voir apparaître, peut-être, on parle de iOS 7, là, mais on était à 10.9, mais on vient à iOS 7. Tu vas parler des toggles, là, comme dans le... Ben, les toggles, il y a deux écoles de pensée. D'abord, en fait, c'est quelque chose qui serait très intéressant de pouvoir accéder rapidement à un bouton on-off pour le Bluetooth, pour le Wi-Fi, pour le LTE. Le problème, c'est qu'en mettant ça, c'est de dire qu'Apple n'est pas capable de faire la job d'optimisation de la batterie. Et Apple n'est pas capable de faire la job d'optimisation de la batterie. En fait, on a des problèmes avec les batteries d'iPhone 5. Bon, c'est pas tout le monde. C'est probablement des gens qui ont aussi des petits problèmes avec leur application qui gèlent ou qui font des leaks de mémoire ou qui consomment beaucoup de batterie. Skype, entre autres, Facebook, qui sont des applications qui bouffent extrêmement beaucoup de batterie quand elles sont ouvertes en arrière-plan, là, effectivement. On est à 30 minutes du WWDC, du keynote. On vient d'avoir une image apparaître de la salle de notre ami Vincent Meller, coéquipier Mac Québec, qui est sur place là-bas. Vous allez pouvoir suivre sur la page du site de Mac Québec, macquebec.com/WWDC. Et vous pouvez également participer par Twitter à MQWWDC13. Donc, si vous voulez nous donner vos commentaires, il y a Benoît qui surveille le Twitter et on va revenir tout à l'heure pour justement... Il y a trop de tweets, il sait pas lequel choisir, en fait, c'est fou. Ça là. A commencé très tranquille, mais en ce moment, ça commence justement, les gens commencent à se réveiller. On a les classiques qui sont là, Max Tremblay et Dominique Desbiens qui ont les mains et les yeux partout justement sur la toutosphère. Max Tremblay, je voulais faire quelque chose avec lui, puis il a refusé, il voulait pas faire ça. Je lui ai demandé, qu'est-ce que t'aimerais qu'Apple annonce, puis je voulais qu'il dise... Je voulais qu'ils annoncent leur fermeture. Il a pas voulu. Il est trop gentleman. Il est très gentleman. J'ai toujours dit que c'était le plus gentleman. Exactement. Exactement. Mais ça aurait été une blague. Mais il était hésitant. C'est correct. Est-ce qu'on réussit à rejoindre Vincent? Non, il n'y a pas de réponse. Oh! Il est pris. Il est en train de s'installer. Allô? Il y a peut-être pas de réseau là-bas. Oui. Ouais. Ben, de toute façon, on a utilisé son téléphone. On essaye. Ça coche un peu. Ouais. Faut dire qu'on utilise le réseau abondamment pour la diffusion. On est plusieurs personnes. L'extérieur aussi, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont venus à notre invitation. Bonjour. Vincent? Please leave your message for... Voix très féminine, Vincent, on rappelle. Pas bien anglais, en tout cas. Ben, je pense qu'il y a eu des problèmes avec son iPhone au début de la semaine. Il est peut-être avec le téléphone Android, puis là, ben, c'est plus difficile. Okay. Voilà. En fait, il pourrait avoir aujourd'hui aussi, si on continue dans le domaine des rumeurs ou en fait de ce qui pourrait être annoncé, le 4 juin passé, Intel lançait ses nouveaux processeurs Haswell. Les nouvelles spécifications pour les Ultrabooks sont... the stage right now. Tim Cook serait en train de monter sur scène? Non, il serait près de la scène en train de prendre des photos avec les gens. Ah, OK. Il fait un photo op avec les gens? C'est ça. Ah, c'est cool. Vincent, hein? T'as-tu un couteau sur toi? Non? Non, coupe la diffusion. Donc, je parlais du Haswell. Intel a sorti aussi les statistiques des Ultrabooks qui vont être à base de Haswell. On a des statistiques très intéressantes au niveau des batteries qui vont durer un minimum de 6 heures en utilisation film HD. 7 jours au niveau de si on n'utilise pas l'appareil, ce qui serait un peu bizarre d'acheter un ordinateur et pas l'utiliser 7 jours. Bref, ouais. Donc des choses très intéressantes. Est-ce que Apple va accoter les spécifications Haswell ou va proposer quelque chose qui va aller plus loin? Jean-Michel, tiens. Est-ce que Apple va accoter? Ben, c'est-à-dire que Intel, il va avec ses spécifications de base pour le produit Haswell. Apple va évidemment les utiliser. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour pousser encore plus loin l'utilisation de la batterie ou ils vont y aller avec les mêmes spécifications que tout le monde? La machine serait la même chose qu'un Ultrabook de Samsung parce que avant, ils pouvaient choisir leur carte maîtresse, mettre le processeur dessus. Là, ils sont pris à acheter les motherboards de Intel parce que c'est des systèmes on chip. Ça veut dire que la chip est soudée après le motherboard et Intel te fournit les deux pour un prix avantageux. Donc, ça va être similaire. Apple n'a jamais fait d'annonce vraiment axée sur la batterie là, puis sur des choses qui sont développées là, par eux-mêmes là, à ce point de vue-là, en tout cas. Là, pas pour les ordinateurs, effectivement. Ça devrait être similaire là, à ce qui est déjà à faire, là, mais ça va déjà être au moins un avancement là, au point de vue de la vitesse et de la performance pour la ligne Mac. Dans le petit vidéo, au début, Jean-Marie Jolois nous parlait de des MacBook Air qui n'étaient plus vraiment disponibles dans le... Oui, ils s'en viennent me chercher à cause de mon allégation tout à l'heure. On entendait parler, en fait, Jean-Marie, qu'il n'y avait plus de MacBook Air disponible. Donc, on pense qu'il va y avoir un renouvellement à ce niveau-là. Est-ce qu'Apple est peut-être capable de mettre un écran Retina là-dedans? Ben, je pense pas, parce que la batterie du Air est assez pas forte quand même. C'est 10 heures, mais c'est petit quand même. Là. Exactement. C'est pas une batterie de MacBook Pro. Là. Fait que s'il mettrait un Retina là-dedans, même s'il mettrait le Haswell dedans qui prend pas beaucoup d'électricité en tant que processeur et en tant que graphique, je sais pas. Mais est-ce que... Mais vous autres, le Retina là, sur vos ordinateurs, aimez-vous ça? Parce que moi, je vais vous dire franchement, le prochain MacBook que je vais acheter... Là, j'achète pas Retina, là. Pourquoi? Premièrement, je trouve que ça vaut pas... Qu'est-ce que ça vaut la différence de prix? Moi, c'est vraiment la différence de prix. Tu sais, je veux dire... Faut faire attention. Si Apple, aujourd'hui, est capable de sortir un nouveau MacBook Pro où il n'y a pas de... Tu sais, le premier qu'ils ont sorti était très cher. Le deuxième, ils ont réussi à enlever carrément 200$ dessus. S'ils enlèvent encore un 200$, on commence à avoir des prix similaires à ce que Apple proposait avant le Retina en termes de MacBook Pro. Parce qu'il faut pas oublier que leur but, là, ils conservent encore le non-Retina puis le Retina, mais leur but, c'est sûr et certain là, qu'ils veulent éliminer là, le MacBook version Pro qui est pas normal. Retina. Là. Effectivement. Mais eux autres aussi, ils pensent de la même façon. Ils veulent pas imposer à leurs clients de payer comme un 400$ de plus là, parce qu'ils ont juste décidé de faire un move marketing en enlevant là, la version qui n'est pas Retina. Il faut enlever le maximum de modèles possible. Si tu as plus de grande différence, si tu as un MacBook Air Retina, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi j'achèterais un MacBook Pro si je peux avoir à peu près tout dans ce MacBook Air-là, qui est plus léger, qui est plus portatif, tout ça. Peut-être un peu moins de connectique, mais... Si on compare, en fait, MacBook Air 13 pouces et MacBook Pro Retina, il y a l'écran Retina et il n'y a même plus de lecteur CD. Donc, c'est deux machines qui sont très, très similaires. Pas de carte vidéo dedans. Donc, ce qui les différencie, c'est vraiment, en fait, l'écran Retina. L'écran. Donc, l'écran. En fait, le 13 pouces, s'ils sont capables juste de l'amincir, sont capables de mettre ensemble, en fait, ils vont juste choisir le nom avec lequel ils présentent. Mais un écran Retina coûte combien? Est-ce qu'on a déjà vu le prix de... Ça doit être déjà dit quelque part qu'un écran Retina coûte 200-300$ à fabriquer. Mais je ne sais pas, mais moi, je trouve que ça vaut pas vraiment... On a un message général à passer. Je vois sur macquebec.com que le réseau cellulaire et Wi-Fi est extrêmement saturé au Moscone Center. On vous demanderait de fermer vos Apple TV à la maison si vous écoutez la diffusion en direct pour les aider à ce niveau-là, qu'il y ait de la bande passante. Parler, c'est intéressant que la conversation allait vers les Retina Display parce qu'il y a Yves sur le chat qui dit que lui, d'un côté personnel, ça lui cause des problèmes. En fait, ça cause des problèmes, selon lui, chez les gens qui ont des problèmes de myopie et de vision. Donc, une autre raison, selon lui, de pas aller vers les Retina Display. Je vois pas en quoi, par contre. Ah, je en myopie. Ouais, myopie et, excuse-moi, l'autre problème de vision, je suis pas capable de prononcer astigmatisme. Ouais, ce qui se passe, en fait, c'est que vu que la résolution de ton écran est plus grande, tout est plus petit sur l'écran. C'est intéressant parce que moi, je travaille en optométrie. Là. OK. Puis, je vais amener ça au prof. Ils leur poser des questions. Ils utilisent des Mac, là, en la grande majorité. Je vais leur demander bon, si c'est effectivement c'est le cas. On va pouvoir répondre à la question au prochain podcast. On est l'expert. Excellent. Ben, c'est pas moi l'expert plus que les profs. Moi, je travaille là, mais ça veut pas dire que je suis spécialiste là-dedans. Je suis virtuose. Commence à connaître ça, par exemple. Mon père a déménagé des pianos. Je suis virtuose. Ah, OK, d'accord. Il y a Plaque qui suit sur, encore une fois, sur le chat, sur macquebec.com/wwdc, qui dit que pour les photographes, selon lui, ils veulent un MacBook Pro avec un écran mat. Ça ne les intéresse pas, justement, d'aller vers... vers le Retina. Exact. Par contre, il y a eu longtemps l'écran glossy sur le MacBook Pro. C'est une option pour le commander en mât. On a le choix. En fait, sur le MacBook Pro, je ne sais même plus si l'option est encore disponible. Le non-Retina, c'est disponible. Sur le Retina, ça ne l'est pas. OK. C'est sûr qu'en mode de transport, avoir un écran non glossy, c'est agréable, mais souvent, ce qu'ils vont avoir, c'est un écran de type professionnel à côté où est-ce qu'ils vont vraiment travailler là-dessus. Ils vont avoir un écran comme un Lassie, un Exo, quelque chose comme ça. Donc, des écrans de très, très haute qualité. D'ailleurs, il y a eu un écran à Asus qui a été présenté. Ben ouais. 4K récemment, 32 pouces d'écran. Mm. Combien le prix? 5 000 quelque chose à peu près. Mais en Angleterre, là. C'est en pound? Presque 10 000 ici presque d'abord. Presque 10 000 à peu près. Wow. C'est ça. Quand même. C'est ça, Exo, c'est une autre compagnie qui propose des écrans de très, très haute qualité comme ça. Puis c'est à peu près le même prix, en fait. C'est très, très dispendieux. Mm-hmm. Vincent continue d'alimenter le live blog qui est sur le site macquebec.com/wwdc. Il nous dit que le réseau cellulaire et Wi-Fi est extrêmement saturé présentement. Ouais. Au Moscone Center, c'est pourquoi qu'on a peut-être la difficulté à le rejoindre par téléphone. Est-ce qu'on essaye de le rejoindre? On va essayer. Puis il dit qu'il y a plusieurs chansons très intéressantes qui sont en arrière-plan présentement. Utilise Shazam, Vincent, ça va te dire les noms des chansons. Oui, ça va avec Shazam. Mais là, si le réseau marche pas bien, il va y avoir de la misère. Vincent? Es-tu là, Vincent? Suspense. On va continuer à travailler en studio à essayer de rejoindre Vincent. Non, ça va être son répondeur. Ouais. Ouais. Il y a des gens avec Google Glass dans la salle d'après ce qu'on sait. Donc c'est probablement eux autres qui prennent toute la bande passante. Là, ça doit. Sûrement, parce que c'est un bêta, ça. Ouais. Ça roule tout le temps, ça en arrière. Exactement. Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'il y a? On voit qu'il y a Johnny Ive qui est en avant de la salle présentement. Il montre ses tatous. C'est pas trop, là, mais... Si vous êtes capable de chercher sur Internet pour des vieilles photos de Johnny Ive, là, c'est pas le Sir hyper hipster qu'il y a aujourd'hui avec sa coupe aérodynamique, c'est-à-dire pas de cheveux. Il était un petit peu plus chubby quand il est rentré chez Apple. Oh! Je ne sais pas si on n'entendrait pas le son qui proviendrait de mon ordinateur. Il faut qu'il appelle au numéro. Oui, il faut qu'il appelle au numéro, malheureusement. Si on continue avec, en fait, peut-être des accessoires qui seraient présentés aujourd'hui. On sait que la norme Wi-Fi, il y a une nouvelle norme qui est disponible, qui est la norme AC. Et Apple pourrait en même temps que de nouveaux ordinateurs proposer des nouveaux AirPorts. Donc, à la norme AC, est-ce qu'il y a d'autres choses dans un AirPort Extreme ou un Time Machine qu'on voudrait une autre possibilité? Moi, comme ça, en brainstormant, en me sortant des espèces de concepts, un AirPort NAS, c'est-à-dire avec deux disques durs à l'intérieur. Quelque chose avec peut-être un petit système à l'intérieur qui permettrait aux gens d'avoir... Tu sais, quand tu veux un serveur de fichiers chez Apple, t'es comme obligé de te sortir un Mac mini, brancher un disque dur sécuritaire dessus. Puis là, ça vient te coûter au bon mot 2500 $. S'il y avait une solution peut-être un petit peu moins coûteuse avec deux disques durs, quelque chose de sécuritaire, tu sais, branché avec iCloud, que tu peux facilement y avoir accès de l'extérieur. Ça, c'est un autre problème aussi, l'iCloud. J'espère qu'ils vont l'améliorer dans les prochaines versions parce que les développeurs se plaignent souvent que tu ne peux pas rien faire avec ça. C'est dur si tu sors un petit peu de la fonctionnalité de... Non, loin de là. C'est très loin d'un Dropbox, même d'un Google Drive. Là. Mm-hmm. C'est comme, il n'y a pas de fonction pour madame et monsieur. Apple te dit, tu dois les utiliser de telle manière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir des choses qui vont être annoncées sur iCloud et ils n'auront pas le choix. Ils vont ouvrir un petit peu. Sinon, les gens vont demander d'utiliser ces autres systèmes-là que sont Dropbox, que sont Google Drive. Il faut pouvoir avoir accès à quelque chose d'un peu plus sûr parce que iCloud est le digne représentant de Point Mac et le digne représentant de MobileMe. C'est ça, il y a de l'ADN. On sent que ça vient de la même place. Ça vient des mêmes développeurs. Sinon, je vous lance comme ça des concepts, en fait. C'est des noms que Apple pourrait utiliser. Ça sort de ma tête, un peu des rumeurs. Un Mac Mini Pro, qu'on entend parler depuis quand même assez longtemps, qui pourrait être une machine avec une carte vidéo dedans, un Mac Mini, mais avec un petit peu plus de oomph au niveau vidéo, ce qui permettrait à des gens peut-être moins fortunés, mais qui voudraient faire du montage vidéo, jouer un petit peu à des jeux vidéo, de pouvoir fonctionner. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir chez Apple? C'est possible. Je ne sais pas si ça peut venir, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Oui, parce que c'est vraiment... La petite chose qui m'énerve un peu, le manque de cartes vidéo dans certains appareils que je trouve très intéressant, mais que j'achèterai jamais à cause qu'il n'y a pas de carte vidéo. Sinon, on a vu ce matin un screenshot d'un Apple Store avec une espèce de cube noir, une espèce de half Mac Pro, donc une moitié de Mac Pro, un design qu'Apple a déjà utilisé. Là. On dirait que Johnny Ive a comme pas eu assez de temps avec tout ce qu'il y avait à faire récemment. Donc, il est allé chercher un vieux design, ils l'ont fait fonctionner. Le cube, en fait, ça ressemblait au cube qui reviendrait chez Apple sous forme de Mac Pro. J'y crois moins, par exemple. C'est pas du genre d'Apple de reculer puis d'aller en arrière. Oui, effectivement. Il y a aussi d'autres rumeurs, c'est le Apple TV. On ne pourra pas rejoindre Vincent, il n'y a pas de carte SIM dans son cellulaire. Ça ne fonctionne pas. Fait que... Mais sinon, en Wi-Fi, il vient de t'écrire ça? Ben, c'est Patrick qui vient de me texter ça. OK. Fait que c'est pour ça que ça ne marche pas, appeler Vincent par le cellulaire. Mais Vincent, c'est de nous communiquer par FaceTime. Il nous a appelé tantôt. Là, mais par FaceTime, il pourrait rappeler Jean-Michel sur FaceTime pour au moins... On va avoir au moins le son. Okay. Au pire, on prend nos webcams et on va pointer vers l'écran. Quelqu'un peut écrire à Vincent pour lui dire de faire ça. Sinon, un Fiber Mac Mini. T'es collé ensemble, puis là, c'est la lampe Fiber, fait que c'est comme plein de gigabits, puis tu peux les coller les trois ensemble, faire un Voltron de Mac... OK, non, ils feront pas ça. Non. Un One U pour la maison, non plus. Un MacBook Air Retina LTE. MacBook Air Retina LTE avec une petite fente pour mettre une carte SIM dedans. L'équivalent, en fait, ça pourrait être c'est l'équivalent d'un iPad LTE, mais en ordinateur. Ça pourrait être intéressant, ça. Il faudrait que les compagnies offrent un petit peu plus de bande passante. On espère qu'ils écoutent. Surtout au Canada. Oui. Il y a déjà des petits bidules à hotspot qui existent qu'on peut se brancher dessus. Mais il faut que tu le branches. C'est fatigant. C'est pas top. Mais l'idéal, là, ce serait qu'on les compagnies, je cherchais mes mots, mais les compagnies, ils veulent offrir un appareil le moins cher possible. Mm-hmm. Si tu mets trop de gadgets dedans, l'appareil va venir trop cher, puis les gens ne voudront pas parce qu'ils vont dire c'est trop cher. Même si tu dis oui, mais t'as ça. Oui, mais moi, mon budget, c'est ça. Ben, dans un ordinateur, ils vont vouloir en mettre moins possible à l'intérieur. Mais dans un ordinateur comme le MacBook Air qui est pour les road warriors, les gens qui sont à l'extérieur, qui sont pas à un bureau, qui ont pas accès à une prise de courant très souvent, de pas avoir le petit gizmo externe, de pas avoir à le brancher, d'avoir juste c'est la carte SIM, parce que le gizmo externe bouffe de la batterie, il faut qu'il soit alimenté par le USB, puis la carte SIM qui est tout le temps dans ton appareil, ben t'as pas besoin de te poser la question, t'as pas besoin de t'installer, tu l'ouvres sur tes genoux, t'es connecté sur le réseau. C'est sûr que dans un MacBook Pro, c'est peut-être pas intéressant. Puis surtout selon le schéma de prix de Apple où on paye 130$ de plus sur un iPad pour l'avoir en LTE. À ce moment-là, c'est sûr que ce serait moins évident de le vendre comme ça, mais si Apple était capable de l'intégrer pour pas vraiment plus cher, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on réussit? On attend l'appel de Vincent sur FaceTime. On est prêt. Ils ont donné l'adresse, tout ça, parfait. Une dernière chose, faut pas oublier que Apple va a annoncé fabriquer un nouveau produit ou en fait une gamme de produits qu'ils fabriquent peut-être déjà, mais à la place de le faire fabriquer aux États-Unis, ils vont le fabriquer aux États-Unis dans des usines au Texas avec une grande majorité des pièces qui sont construites aux États-Unis pour ramener un peu d'employabilité. C'est sûr que si les conditions sont pareilles qu'en Chine, les gens vont se garocher aux portes des usines. Ben, tu mets ça à Détroit, mon gars, puis tu pourras avoir des surprises. Il y a du monde qui vont y aller. Un Robocop sponsorisé par Apple. Avec une pomme. Avec une pomme, oui. On lance l'idée, on veut le même. Oui, oui, exactement. Voilà, super idée. Benoît, le même. Trademark. Trademark. Excellent. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des nouvelles de là-bas? Qu'est-ce qu'on a? Ils disent que c'est plate, là, mais le stream sur les Apple TV a commencé à rouler. Ouais, c'est ça. On pourrait peut-être mettre une petite pub. Ouais. Pas une petite pause pub. Ben oui. Ok, je vais remettre une petite pub. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Vous désirez une soirée amusante et originale chez vous avec vos amis? Vidéo Sex Plus vous propose un tout nouveau concept, les présentations Sex Plus Party. Découvrez notre grande variété de nos meilleurs produits à domicile dans une soirée instructive et divertissante. Soirée de filles, en couple, entre amis ou enterrement de vie de fille, nos soirées thématiques à domicile Sex Plus Party sauront vous plaire. Réservez dès maintenant au 1-888-656-7393. Les soirées Sex Plus Party de Vidéo Sex Plus. Pour cette présentation du WWDC, Mac Québec désire remercier ReptileTech pour sa précieuse collaboration. ReptileTech est une agence web qui se spécialise dans le web interactif et les solutions multiplateformes. Vous voulez votre présence sur le web, mais vous ne savez pas par où commencer? Laissez les experts de ReptileTech le faire pour vous. Visitez notre site web au www.reptiletech.com. ReptileTech, détendez-vous, on s'occupe du reste. Rebonjour tout le monde. On a fait quelques petits ajustements pendant les pubs qu'on vous a présentées, qui, on le rappelle, en fait, sont nos partenaires qui nous ont permis de faire la diffusion d'aujourd'hui. On les remercie beaucoup. Oui. En fait, c'est un test qu'on fait, puis ça a marché. Les gens ont été réceptifs. En fait, quand on a lancé la campagne publicitaire pour envoyer quelqu'un de Mac Québec là-bas, ça a répondu très, très vite. Les auditeurs aussi nous ont beaucoup aidés. On a ramassé près de 500$, si je me trompe pas, de la part des auditeurs. Donc, on vous remercie. On est content de vous fournir le produit que vous avez, mais on est aussi très content que vous répondiez à l'appel quand on vous demande un petit effort, un petit coup de main. Exact. Ben, est-ce qu'on a des questions? Pas vraiment de questions, en fait. C'est plutôt tranquille, mais j'imagine que ça va vraiment couler quand les annonces vont se faire. Ouais. Les gens vont réagir autant sur le Twitter. Ben, en fait, le hashtag qu'on pourrait rappeler d'ailleurs, le MQWWDC13. Et bon, vous pouvez suivre également le hashtag du WWDC, mais on vous invite à commencer sur le nôtre. Ouais, bonne chance parce que ça m'épile assez rapidement dans différentes langues. D'ailleurs, on a de l'hindou, si je me souviens. Oui, c'est ça, c'est de l'hindou ici. Sinon, on n'avait pas un numéro de téléphone, les gens pouvaient directement appeler. Est-ce que tu veux l'annoncer? Est-ce qu'on le fait? Ouais, peut-être plus tard. Plus tard, le temps qu'on puisse rejoindre Vincent au moins. Sinon, sur le hashtag, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous attendez de la WWDC. Ça pourrait être très intéressant. Parce qu'il faut dire aussi que c'est pas juste la WWDC aujourd'hui aussi, hein. Oui, c'est ça. C'est un petit peu crowded le 10 juin. Le 10 juin, cette semaine, là, c'est l'enfer. Là. Il y a Apple, il y a le E3. Aujourd'hui, c'est Microsoft. Il y a Sony aussi qui en fait. Ubisoft. Ça va être une journée de malade. Moi, là, j'ai hâte de voir les journalistes comment ils vont tout arranger ça pour tout packager leur affaire, tous leurs articles en même temps. Ça va être débile. Là. La plupart des journalistes sont au E3. Il y en a quand même pas beaucoup. Il y a Alain McKenna, si je me trompe pas, qui est à la on dit dub, ça a l'air. Je sais pas pourquoi. C'est quoi, ça? Dub. Ah! Ouais, okay. J'ai entendu ça à plusieurs, en français et en anglais. Ah. D'ailleurs, Stuff MC l'a dit dans le petit vidéo. Au début. Donc, oui, c'est ça. Il y a peu de journalistes qui couvrent cet événement-là. Je sais pas pourquoi. C'est quand même assez gros. Ouais. Puis bon, la E3, tout le monde s'y retrouve. Jean-François Coderre est là-bas. Maxime Johnson est là-bas. Il y a beaucoup de monde qui y allait. En même temps, les gens d'Apple, ils savent que ce genre de conférences-là ont lieu en même temps. Donc, j'imagine que dans leurs annonces, ils vont prendre ça en compte aussi, je pense. Ah, peut-être. Ben, ils parlent toujours un peu de jeux vidéo, parce qu'il y en a, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de casual gaming sur le jeu vidéo. Donc, on est encore en train d'essayer de régler les problèmes de communication avec Vincent. Si tu me permets, Alexis, il y a quand même des gens qui au moins nous saluent sur le Twitter. Donc, je réforme le temps aussi sur le chat. Donc, sur le MacQuébec.com/ WWDC. Donc, on va prendre le temps de saluer ces gens-là. On vous parlait de Max Tremblay tout à l'heure de l'épée légendaire et son collègue Anthony Gravel qui sont présents sur le chat et sur le hashtag justement de l'événement. Il n'y a pas d'extrême d'ailleurs qui nous dit salut aussi sur le hashtag. Pierre Plante qui Production extrême qui exactement. Excellent. Exactement. Pierre Plante qui nous invite justement à nous écouter sur MacQuébec.com. Dominique Desbiens, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est partout d'ailleurs, qui prend le temps aussi de partager des articles. C'est vraiment le complément sur le web de Dominique Desbiens. David Thériault qui est là, et sur le chat on avait Julien Solin tout à l'heure. On entend un petit peu de friture sur la ligne. Bonjour, allô. Est-ce que Montréal appelle San Francisco? Est-ce que vous nous entendez, San Francisco? Pas beaucoup, on dirait. Nous, on a l'image de Vincent ici. On pense qu'il est là-bas. Il y a un signe de la palme sur lui. Oui, mais peut-être qu'il n'entend pas. Il n'entend pas notre micro parce que c'est sur l'ordinateur de Jean-Michel. C'est tous les micros là, qui fonctionnent. C'est tous les micros qui s'en vont sur le tien. Vincent, est-ce que tu nous entends? Mais je pense que lui ne nous entend pas par FaceTime. Oui. Tu penses? Oui. Il n'y a pas de out là-dessus? Oui. Tout fonctionne. Tout fonctionne? OK. Il est supposé nous entendre et tout. D'accord. Mais je pense qu'il y a vraiment des gros problèmes de bande passante là-bas. Oui, il ne bouge pas très vite. Est-ce que c'est possible de bloquer l'audio, la vidéo? Non, hein? Non. Il n'a pas mis ses écouteurs, fait que peut-être que... Ah, peut-être que c'est ce qui empêche. On va lui laisser le temps de mettre ses écouteurs. Sinon, on vous rappelle que vous écoutez la diffusion spéciale de Mac Québec pour la WWDC. Vous pouvez nous suivre sur le hashtag MQWWDC13. D'ailleurs, Vincent, qui est là-bas grâce à un de nos commanditaires, qui est Pascan, une compagnie de transport. Et vous pouvez les trouver au pascan.com. Ils ont fourni le billet pour aller là-bas. Juste c'était vraiment... aller. Ouais, c'est ça, juste aller. Pas de retour. Arrange-toi. C'était conditionnel, le retour. C'est ça, exactement. La date, je pense pas qu'on va leur voir dessus. Ça fallait qu'ils nous parlent, puis s'ils nous parlaient... Regarde, ton micro, il est fermé, peut-être sur ton application. Non, c'est le bouton pour fermer. Okay, bon. Vincent, est-ce que tu nous entends? Hey, c'est-tu R2D2? Oui, je pense que oui. Oh, R2D Mac! R2D Mac. On va présenter ça. On va peut-être pouvoir avoir Vincent un petit peu plus tard après la présentation quand les gens vont commencer à se déconnecter. Donc, on essaiera à ce moment-là. Il est 12h56. La présentation commence donc dans à peu près 4 minutes. Allô sur iMessage, mais pas sur FaceTime. Bon. Ben, allô. Ben, tu sais, on dit souvent qu'au Canada, on n'est pas choyé en termes de bande passante, mais tu sais, à San Francisco, ils l'ont pas pantoute. Hein? Je pense même qu'ils ont la fiber de Google. Non, pas direct à San Francisco. Non, c'est des petites villes qui l'utilisent pas tant que ça, puis qui vont pas chialer si ça fonctionne pas si bien que ça, là, mais c'est pas direct. Mais il faut dire là, que dans la salle, présentement, il y a peut-être 1000 personnes là, qui sont installées comme nous autres, là, à bouffer de la bande passante, à diffuser des photos, à diffuser du contenu, à téléphoner, puis c'est comprenable. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça. Il y a tout le temps trop de personnes avec des Wi-Fi, ça bloque. Mais c'est extrêmement difficile de faire du Wi-Fi concentré dans un seul endroit. Ben c'est à peu près impossible. Ce qu'il faudrait faire, en fait, l'idée, ce serait de créer des petits routeurs très, très faibles qui couvrent une petite région où tu peux pas avoir plus que 15 personnes, peut-être. Ouais. Donc, ça couvre, tu sais, 7 mètres carrés au plus. Puis t'en installes un petit peu partout. Mais encore là, en termes de réseautique, c'est très, très compliqué à gérer. On est à quelques secondes du début de la keynote WWDC 2013. Nous avons bien hâte que cela commence d'avoir les annonces. Après quelques semaines de rumeurs, on va enfin avoir leur juste. Sinon, iRadio, dont on n'a pas parlé. Oui, iRadio, ça, ce serait très, très, très bien parce que nous, on sait qu'aux États-Unis, ils ont la chance d'avoir différents services qu'on n'a pas au Canada. Spotify, tout ça. Pandora. Mm-hmm. Donc, ça serait un concurrent à ces services-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que serait exactement Radio ou iRadio? Radio, ça existe au Canada. iRadio, en fait, Apple récemment a signé des ententes avec les maisons de disques. Et ce serait un service qui serait semblable. Apple a acheté il y a quelques années un service qui s'appelle Lala.com, qui était Ça fait au moins 3 ans, je pense. Et qui était une start-up, en fait, qui commençait... Ben, c'était une petite compagnie à cette époque-là. Et bon, ils ont fermé. Les gens qui étaient membres de Lala.com étaient très contents du service, un peu déçus qu'Apple achète le produit et qu'on retrouve pas rapidement, en fait, la technologie de Lala. Mais évidemment, il fallait qu'Apple puisse convaincre les maisons de disques. C'est fait, d'après ce qu'on en sait, ce que leaké sur Internet. Ils auraient réussi à signer avec les deux dernières maisons de disques cette semaine. Donc, ce serait fait avec Sony. Mais Apple n'a pas besoin de toutes les maisons de disques. Même si ça ne fonctionnait pas avec Sony, ils auraient pu annoncer le produit iRadio, qui est un service de streaming. Donc, l'accès à l'ensemble de leurs 15 millions de chansons. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de les acheter. Tu peux les écouter tant que tu es connecté sur Internet. Et puis, il y a un frais mensuel ou annuel peut-être. Peut-être que ce qu'ils pourraient faire, c'est augmenter iTunes Match au niveau du prix. Puis dire, quand tu prends iTunes Match, ben t'as les deux, effectivement. OK. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on a... Non, je pense qu'on a toujours le fait. Moi, je l'ai toujours. OK. Est-ce que les gens se plaignent du son? Est-ce que c'est bon? Parce que là, ça va commencer. On l'écoute ici. On a Jean-Marc qui est avec nous pour s'occuper, en fait, de tout ce qui est technique. C'est l'homme derrière la diffusion. Et c'est l'homme derrière le montage de nos podcasts habituels. Oui, effectivement. Donc, les derniers podcasts où, certains audiophiles ont écouté, la qualité du son a été augmentée pour les gens qui ont... Fait que la conférence vient de commencer. Oh! Tim Cook is on stage. Ouais. Les nouvelles devraient arriver. Est-ce qu'on a mis le feed aux vidéos de la conférence? On est en train de l'obtenir. En train de l'obtenir présentement. Les autres, vous allez voir, mais pas moi. Je suis jaloux. Ah non, attendez. Tu peux te l'ouvrir sur ton ordi, mais là... L'Internet commence. Nous autres, ici, là... En e-rush? Oui. Ah non, ben moi, je suis réseau. Je suis filaire. Oh. Tu risques d'avoir un petit peu de difficulté avec la mise en onde aussi. Oui. Avant, parce qu'il y a un projecteur. C'était la publicité YouTube sur le YouTube Live. Je voulais aller voir, en fait, combien de gens nous écoutaient actuellement. On est quand même 136 personnes actuellement sur Mac Québec macquebec.com/wwdc. Invitez vos amis à participer à la discussion. Appelez vos mères, vos voisins. Exactement. On sait que Apple le diffuse, mais ce qu'on veut, c'est que vous veniez, que vous vous joigniez à nous, comme si vous étiez assis avec nous en studio. On a amené Master Twitter ici, avec qui vous pouvez discuter, nous envoyer vos trucs, même les haters là. On va prendre des trucs, puis on va vous convaincre. Et, Les gens d'Apple ont demandé à l'audience de fermer leur... Ah, ils demandent toujours ça, mais... Ah oui, fermer les téléphones cellulaires pour les sonneries ou fermer les téléphones cellulaires pour nous laisser un peu de bande passante, histoire que... Il aurait pu amener un fil réseau de Cupertino. Tu sais, ouais. Être sûr, là. Une grosse fil. Oui, faire passer de la fibre optique souterraine pour l'événement. Tu parlais de poser une question par rapport à le son et la qualité. On nous dit autant sur Twitter que sur justement le chat sur macquebec.com, WWDC, que c'est très bien. Le son, l'image est très bien reçu. D'ailleurs, Max, qui participe encore au chat, dit que c'est la meilleure diffusion qu'on a eue. Là, lui doit avoir trois écrans. Un Microsoft, un Sony, un Apple. Fait que les trois écrans 1080p, let's go. Fait que lui, avec 8 mains. Lui, il a tellement d'affaires. Ouais, c'est ça. Il est en train de changer des couches, faire le rotor. Fait du deltaplane en même temps. Les lumières viennent de s'éteindre dans la salle. La conférence commence. Ça, c'est de la news. Ça, là, on est cutting edge. Là. On est drip dessus. On n'a pas diffusé depuis 3 jours les mêmes photos que tout le monde, mais pris avec un autre type de Kodak. Les lumières diminuent. C'est du A-Punk de Vampire Weekend qui jouait dans la salle. On les salue. Donc, vous êtes toujours à la diffusion. Oui, t'allais dire... Non, j'allais faire une blague douteuse par rapport au fait que les lumières s'éteignaient, mais je me suis dit, je vais m'en retenir. On va faire jouer la pub de... Oui, c'est que les lumières descendent. Vas-y, c'est un bon moment pour vrai. Pas vrai? Go! Ben oui. Vous désirez une soirée amusante et originale chez vous avec vos amis? Vidéo Sex Plus vous propose un tout nouveau concept. Les présentations Sex Plus Party. Découvrez notre grande variété de nos meilleurs produits à domicile dans une soirée instructive et divertissante. Soirée de filles, en couple, entre amis ou enterrement de vie de fille, nos soirées thématiques à domicile Sex Plus Party sauront vous plaire. Réservez dès maintenant au 1-888-656-7393. Les soirées Sex Plus Party de Vidéo Sex Plus. De retour à cette présentation spéciale du WWDC en direct de Montréal, toute l'équipe du podcast Mac Québec, autant l'équipe du podcast, mais aussi l'équipe de la rédaction qui est de l'autre côté, qui couvre également en ce moment cet événement-là. Ils vont vous écrire des articles le plus rapidement possible. On sait qu'il faut quand même les écrire, puis trouver les images, tout ça. Mais on va également avoir sur le site de Mac Québec des différents articles sur les différentes annonces qu'il y a présentement. Et on vient de voir Tim Cook qui vient de rentrer sur scène. Vous allez me feeder en... Parce que oui, vous il y a eu un truc, c'était marqué Love avec un logo bizarre sur l'écran en avant. Et là, la pomme qui apparaît avec Tim Cook en dessous. Tim Cook, en fait, c'est considéré comme une des premières WWDC... où Steve Jobs aurait eu beaucoup moins d'influence parce que c'est vraiment que c'est en fait le lead de Tim Cook le règne de Tim Cook en fait qui rentre en ombre qui prend le ça marche pour vrai là. Ça marche pour vrai effectivement. C'est la 24e WWDC et il y a des gens je trouve ça intéressant. 64% des gens dans la salle sont là pour la première fois. Ouais. Dont notre ami Vincent Miller de Mac Québec. Oui, 64% des gens sont là pour la première fois. Hein? C'est spécial. Fait qu'ils ont peut-être été chercher, parce qu'il y a eu un bug quand ils ont acheté les billets. Mm-hmm. Ouais, peut-être quand ils ont vu le bug, ils ont dit là, on va faire un changement. On va pogner tous ceux qui sont jamais venus. Fait qu'on va leur renvoyer une invitation. Sam Vermette n'est pas là, alors qu'il a fait. C'est le développeur de Transit App, qui est quand même une application. Ah, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il n'a pas réussi à avoir de billets. René Ritchie aussi n'a pas réussi à avoir de billets de iMore. Par contre, ils font une couverture. Ils sont là, à l'extérieur de la salle, mais quand même. D'après moi, il s'est trouvé un système pour mettre une petite caméra à l'intérieur. Puis il regarde avec un œil de vitre. Les billets ont été vendus en 71 secondes pour le WWDC. Je suis pas certain de cette statistique-là. J'aurais plus tendance à dire que le système a planté à la 71e seconde. Ouais, peut-être. Il y a eu un DDoS, en fait, sur le serveur d'achat de billets. C'est ce qui a fait, en fait, que Vincent a pu avoir un billet. Nous, on désespérait. Une minute et demie après le début de la mise en vente des billets, Vincent nous a écrit sur iMessage et nous dit... en fait, je peux pas répéter ça ici. Bon, on a déjà notre tag explicit NAOE avec les publicités qu'on a mis. Fait qu'il s'est exclamé un juron québécois bien connu. Et... Il nous a dit qu'il n'y avait pas de billets. Et c'est plus tard en après-midi qu'on a vraiment eu un appel téléphonique de Apple qui nous disait qu'il y avait un billet de réservé. Je sais pas combien de monde qui travaille chez Apple, mais 5000 personnes à appeler. Oui, j'avoue comme, que... T'es obligé de faire vite, là. Puis tu veux pas que l'intérêt descende non plus. Donc, il faut faire ça. Moi, ce qui me revient toujours quand je vois des types d'émissions comme ça spéciales que vous organisez ou que d'autres podcasteurs ou vidcasteurs, si on peut les appeler ainsi, font, c'est à quel point c'est rendu, entre guillemets, là, facile de pouvoir organiser ce genre de choses. Là, on est à quelques années d'avoir un setup professionnel qui peut compétitionner avec ceux des grandes institutions. Et je sais pas à quel point, au niveau des gens qui sont derrière cette structure-là, ils considèrent l'implication des vidcasteurs puis des podcasteurs. Mais moi, si j'étais moindrement ouvert à l'idée des nouvelles technologies, ça me stresserait un petit peu. J'y penserais. Excellent. Parce que si, au niveau technique, on n'est pas capable d'accoter encore, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la couverture un peu plus, je dirais, humaine, avec un petit peu plus d'âme. C'est là où on va chercher justement des auditeurs qui ne sont pas servis ailleurs. Donc, à chaque fois que je vois ce genre de setup-là ou d'installation, c'est l'espèce de réflexion qui me revient. Et là, on est en train de suivre... on vous a envoyé quelqu'un quand même à l'autre bout du monde là, pour couvrir ça. Là. C'est fantastique. L'époque à laquelle on vit, que c'est possible. Yeah! Ouais. Ouais. Et pour continuer là-dessus, quand on fait des diffusions live comme ça, ça demande énormément de préparation, mais aussi de ressources techniques. Mm-hmm. Et il faut faire des tests avant. Et nous, on a dû faire des tests et on s'est aperçu que on avait des problèmes au niveau. Bon, si on se dit il va y avoir tant de personnes qui vont regarder notre présentation sur notre site web, il faut faire des tests sur notre site web. Et grâce à ReptileTech, nos partenaires du podcast, on a pu justement prévoir le coup puis de se dire, bon, mais oups, si on n'avait pas vérifié ça à l'avance, on serait un petit peu planté sur le site web. Donc, c'est important quand on veut faire des diffusions live de regarder tous ces aspects techniques-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau technique, là, mais effectivement, plus ça va, plus c'est facile de diffuser quelque chose en direct et que ça a l'air de trucs professionnels. Comme présentement, on utilise des caméras, des webcams en fait HD et la qualité est excellente. Et pourtant, c'est des petites caméras qui coûtent pas très cher. On a des micros, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est de l'équipement. Là. C'est pas tout le monde qui peut se payer tout ça. Là. Mais effectivement, plus ça va, plus ça devient facile. Exact. Le logiciel qu'on utilise aussi, en fait, on a été chanceux parce que je sais pas combien de chaînes québécoises ont accès à YouTube Live, qui est une nouvelle fonctionnalité de YouTube, qui est un petit peu un compétiteur à Ustream, Twitch, à Livestream, à Twitch, à Dacast. qui sont des sites de diffusion. Et ces sites-là coûtent très cher, en fait, si on veut atteindre le plus de gens possible. Donc, le YouTube Live remplace un petit peu ça et c'est gratuit. Donc, ça aussi, là, c'est quelque chose d'assez important. On voyait, en fait, Apple qui présentait à la conférence un petit peu les annonces des différentes ouvertures, des vidéos qui ont été prises pour les ouvertures des Apple Store à travers le monde. Apple aime bien rappeler combien ils vendent dans leurs magasins. Ça donne envie d'acheter. Allez, Apple Store. Quand tu vas au musée du Louvre, là, il y a un Apple Store au musée du Louvre, quand même impressionnant. Moi, à l'intérieur? Ben oui. Ah oui? Ouais. Ben oui, j'ai pris des photos. Je te montrerai mes photos. J'y ai été. On les mettra sur le live blog. Vincent a mis dans le live blog les prochains mois, le Apple Store vont fêter leur 5e anniversaire. 407 Apple Store, dont celui de Berlin qui a ouvert la semaine passée ou la semaine, il n'y a pas longtemps. Et celui du 10-30 qui a ouvert le Douche Store. Oui. Que j'ai même pas été encore. J'ai été avant l'ouverture prendre des photos quand il y avait encore les barricades, mais j'ai même pas été. 575 000 de comptes iTunes, millions. Hey, ça, c'est du compte. 575 millions. Ouais. 575 millions de comptes iTunes. Et c'est des comptes qui ont une carte de crédit attachée. C'est des comptes qui peuvent générer de l'argent. Ouais. En fait, j'ai vu un graphique où, par rapport au nombre d'utilisateurs inscrits, l'argent qui était dégagé par utilisateur et la colonne de Apple génère un cash qui est complètement ridicule. Parce que même avec son 1 point quelques milliards d'utilisateurs à Facebook, le cash qui était généré, c'était environ 2%. Mm-hmm. Donc, même si tu as une grosse base d'utilisateurs, il faut que tu leur offres quelque chose qui leur donne envie de mettre leur carte de crédit là-dedans. Et pour l'instant, Facebook, là, pour que j'aille 22 personnes au lieu de 18 qui lisent mon message, mettre un petit 5$ de Facebook publicité, je suis pas sûr que ça m'intéresse. Je pense pas, non. C'est pas tout à fait les chiffres que j'ai donnés. Ils ont donné 10 milliards à date pour cette année aux développeurs. Oui, c'est beaucoup, mais ça rapporte plus. Ça rapporte plus, oui, c'est ça. En fait, iTunes est supposé être un produit qui est break-even pour Apple, c'est-à-dire qu'il génère pas de cash à proprement parler. Mais brand, on s'entend qu'il y a une association qui est faite et ça doit rapporter en visibilité. C'est ça, ça fait partie de l'écosystème. Mm-hmm. Le truc, c'est qu'il génère 4 milliards de dollars à cause du App Store pour un truc qui est pas censé en générer. C'est comme au départ, c'est pas censé faire d'argent, mais les gens l'utilisent tellement que ça en fait. On est suivi en France aussi. Hein. On a un dénommé Simon ici qui nous écoute de la France. Hein. C'est assez intéressant de voir qu'au niveau de la francophonie également, il y a des ponts qui sont en train de se faire. Très belle blogosphère d'ailleurs, oui. Et podosphère en France, qui est très active. On est bien content. On sait qu'il y a un podcast qui est fait de l'autre côté, mais probablement qui vient écouter notre accent. Et je sais pas, la couverture est peut-être meilleure. C'est qui en qui? C'est une nouvelle compagnie de développement d'applications sur iOS qui sont en train de présenter leurs produits, présenter leur parcours devant l'assistant. Et qui amène la robotique, si je comprends bien, dans les laboratoires avec le iPhone. Oui, d'après ce que je lis, c'est ça. Today, after over half a decade of working on Enki, we're giving you a peek at our first product, Enki Drive. Est-ce qu'on voudrait faire de la domotique avec des Mac Mini? De la robotique. De la robotique, ouais, ça serait chouette, ça. On pourrait voir. Donc, Enki Drive, qui sont sur scène en ce moment et qui présentent leur premier produit. En attendant, on n'a toujours pas réussi. Ça semble être une piste de genre de jeu avec une piste de course. Ouais. Ah. Voir qu'est-ce que ça a l'air. Sinon, on n'a toujours pas réussi à rejoindre notre ami Vincent. Non, on ne pourra pas y parler. Non, on ne pourra pas y parler tout de suite. J'ai l'impression que ça va aller après. On aurait dû l'enregistrer à l'avance avec, je ne sais pas, un Alcatraz en arrière de lui ou le Golden Gate Bridge. Bonjour, je suis à San Francisco. Un green screen, tu peux faire n'importe quoi. Exactement. Par contre, Vincent, continue de nous alimenter en commentaire de ce qui se passe à l'intérieur de la salle. Si vous nous suivez présentement sur YouTube Live, vous pouvez aller sur le site de macquebec.com/wwdc. Vous avez toujours le feed live de YouTube, mais vous avez également le live blog où vous allez voir les commentaires de Vincent qui est en direct de la salle du WWDC. Et vous avez également le fil Twitter qui est à droite, donc vous allez pouvoir y participer également. Donc, macquebec.com/wwdc. Est-ce qu'on donne le numéro de téléphone puis on dit aux gens de nous appeler? Peut-être que les autres sont plus capables de nous appeler que Vincent. Oh, vous avez Mathieu Dugal qui vient de nous tweeter d'ailleurs sur MQWWDC 13, c'est intéressant. C'est l'animateur de La Sphère, une émission Radio-Canada. Donc, on est même écouté du côté de la... De ici. Radio-Canada. On peut plus pas faire de blagues. Ben, j'ai demandé à Kim la semaine passée, on devrait partir ici, Mac-Québec. On va trader, on va changer le compte, on va tout changer ici, Mac-Québec. Ben, ils vont peut-être nous poursuivre. Ils vont avoir de la misère. Eux-mêmes sont en train de se faire poursuivre. Ils sont en train de poursuivre quelqu'un qui est un channel. Ils parlaient de ça à Radio-Canada. Il y avait déjà ici... C'est des petites autos. C'est des, comme une petite... Anki Drive, c'est des petites autos. Alexis Sennel. Hey, boy, hein, son gars, c'est je pense qu'il va en avoir une. Ben, moi, j'ai un public cible à la maison, ouais, j'ai un bêta-testeur, j'ai toutes les raisons du monde, tu sais, de faire « Ouh, un jouet! » Le public cible étant Alexis lui-même. Oui, c'est ça. Il prend ses enfants comme étant une excuse, mais c'est ça. Je veux jouer, c'est, papa. C'est la fête de mon plus jeune, le 20 juin, fait que... Tu pourrais te faire un cadeau. Je veux dire, tu pourrais lui faire un cadeau. Je vais me cotiser, puis... Je vois pas ce que ça a rapport avec Apple. Ben, j'imagine, c'est, parce qu'on peut être contrôlé par iPhone ou iPad. Ouais, c'est pas ça risque d'être vendu dans les Apple Store. Ouais. On va rentrer, on va aller chercher notre petit... Char, là. Ça va être cool. On va faire la file au Apple Store. On va faire des courses d'auto autour du bloc. Oui, ah oui. Ça va être malade. Puis on vous invite, quand Apple va se mettre à vendre l'iPhone 5 S ou 6, on sait pas comment ils vont l'appeler, on vous invite, on fera des courses de Anki Drive autour du Apple Store Sainte-Catherine. Ça va être vraiment chouette. Weapon Enable. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que ça veut dire? Weapon Enable. Vincent nous dit que les autos analysent en temps réel leur environnement et violent les produits iOS. Weapons Enabled, c'est quoi? Tu vas pouvoir lancer des peut-être des mini-roquettes. Ou une interaction virtuelle entre les voitures, là, un peu à la Mario Kart ou bien... J'allais le dire, en fait, ils ont raté le target. Il aurait fallu qu'ils fassent des Bowser, Mario et Luigi. Évidemment, il y aurait eu 2-3 problèmes niveau licence. Ah, peut-être mais... que ça va venir, justement, des licences. Ça, là, c'est nouveau, là. Ouais, en fait, c'est juste l'automobile en dessous. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est simplement enlever la coquille puis mettre n'importe quoi dessus. Un K2000, un Optimus Primus. Ils vont pouvoir te vendre des jaquettes pour le. Ce qui est intéressant, les imprimantes 3D, c'est qu'ils vont te faire. Si tu achètes ça, puis tu dis, je me fais une skin à mon image, à ce que je veux. C'est, ils pourront plus contrôler ça. Ah, ça va être. Ah oui, le gars est capable de faire le dessin d'en dessous. De l'automobile, t'es capable Dès que t'as les paramètres du petit véhicule, tu peux avoir quelqu'un qui, dans un logiciel 3D, qu'importe le logiciel, là, faire un modèle que tu pourrais imprimer. Un petit Benoît comme ça, dans un car trop petit pour lui, avec les genoux qui sortent. Exactement. Avec la face. Comme quand je suis de gagnant. Comme quand je suis dans un car. Malheureusement pour tes enfants, Alexis, Anki Drive va être disponible seulement cet automne. Mais l'application. j'ai une fille aussi qui a sa fête en automne. Donc, il y a une rose, j'envoie une rose, parfait. Un petit genre rose. Voilà, chérie. C'est parti, elle va m'haïr à l'adolescence. Scrapul qui vient de nous tweeter sur le MQWWDC13 qui vient dire du geek en bédaine et neck beer live sur WWDC. Ah, boy. Donc, on parle de Mac maintenant à la conférence. Ça commence à devenir sérieux. Là, ça va être intéressant. On nous insulte un peu que l'Apple Store 1030 est très bien, il y a un très bon service, puis qu'on est douche yourself. On salue Marcus. Donc, les annonces vont commencer. Évidemment, on parle du portable Apple et c'est l'ordinateur numéro 1. En termes de qualité, en termes de satisfaction de la clientèle aussi. Donc, c'est sûr que les parts de marché de Apple sont pas nécessairement au niveau de ce qu'on voit dans d'autres compagnies, chez HP par exemple, chez Acer. Par contre, pour Apple, c'est le message qui lance. Puis c'est sûr qu'ils vont pas dire « Ah non, nous autres, on est déçus de pas avoir les parts de marché. » On trouve ça correct d'avoir la satisfaction du client. Puis on pense que nos ordinateurs sont moins. Fait que c'est vraiment pas la communication qu'ils vont avoir. Ils parlent de Mountain Lion et qui en ont envoyé 28 millions de copies. C'est quand même pas mal. Je pense que c'est break-even avec Windows. Avec Windows 8 qui a tapé le 40 millions assez rapidement. Mais, pour parler de Mountain Lion, au nombre de pourcentages qu'il y a, tu regardes quand je regarde la gestion du compte de Mac Québec, le nombre d'ordinateurs qui rentrent sur Mac Québec. Qui sort avec Mountain Lion, qui est le dernier système. Et il y a encore beaucoup de monde sur Lyon. Ah, OK. Il y a encore le chiffre. C'est quoi le pourcentage? Oh, bon, il faudrait déjà aller te le chercher. Mais je peux aller te le chercher pour le mois de mai, mettons. Vas-y. Je vais aller te le chercher, puis je te le dirai. Pourtant, il y a 8 millions de ventes de OS X 10.8. Qu'on dit dans le keynote. OK, donc c'est pas 28 millions. C'est quoi le chiffre de 28 millions que j'ai vu passer? 35%, Apple prétend que 35% de son parc informatique fonctionnaire en ce moment, qui est avec Mountain Lion. C'est bon d'un côté, de l'autre côté, il me semble que c'est très peu. C'est pas beaucoup, je trouve. 28 000. Les gens sont... on n'avait pas fait nécessairement, dans les premières heures, une bonne critique. On avait beaucoup de réticence envers Mountain Lion. Il faut dire que les appareils durent assez longtemps hein, pour les Mac, mais le problème, c'est le système d'exploitation qui ne suit pas toujours. L'appareil est toujours très bon, mais le système d'exploitation n'est pas compatible avec l'appareil. Le MacBook Pro que tu as avec toi en ce moment a combien de temps? C'est 5 ans, je pense que tu disais? Si je regarde un petit peu, je vais regarder. Là, lui, il date... T'as 10.8. Moi, je suis à 10.8, mais il est vraiment limite. Le Intel Core 2 Duo, là, 2.4 que j'ai. Puis c'est je pense que c'est le dernier appareil qui peut avoir le Mountain Lion. J'ai les chiffres. Ils ont fait la blague sur scène. Je vous présente aujourd'hui OS X C-Lion. Puis non, finalement, c'est pas ça. Donc, dans quelques secondes, il va nous dire qu'est-ce que c'est. Pour venir aux chiffres du compte du site de MacQuébec, le mois passé, il y a eu quand même 3200 personnes qui se sont connectées avec Lion. Est-ce qu'on a un pourcentage? C'est 82%. Avec Mountain Lion? Ouais. On n'a pas les mêmes scores qu'Apple. C'est 76% Mountain Lion et 82% en nombre de personnes qui ont été plus visitées le site. Alors, on dirait que c'est le OS X Mavericks. Mavericks. C'est quoi j'aime Mavericks? Je sais pas, mais j'aime le nom. C'est quoi un Mavericks? Un Maverick, c'est quelqu'un qui est capable de se sortir de n'importe quelle situation. Ah oui? Il avait donné le nom pour... voyons, l'ancien candidat à la présidence américaine là, qui s'est battu contre Obama. Voilà, d'après ce qui a été dit, l'inspiration derrière le nom serait des endroits en Californie qui sont chers pour Apple, puis Mavericks en Californie, ce serait un endroit où les gens vont surfer en Californie. Ou avec le film de Mel Gibson. D'où la vague. Ah, d'où la vague, c'est exactement ça. D'où la vague. Il y a un film avec Gerald Butler récemment qui a le mot Mavericks dedans. C'est retrouver les Mavericks ou je sais pas quoi, mais c'est à propos de surfer. Oh donc, yes! En fait, on... Finder Tabs! Ouais, yeah. On comprend pourquoi l'audience applaudit. Ah ouais, ben c'est ça, moi je le vois pas, je le vois parce que... Ça fait à peu près... c'est une rumeur en fait pour OS X qui existe depuis à peu près 10.4. Les tabulations dans le Finder qui permettrait en fait qui est un concept assez facile à comprendre pour les gens qui l'ont dans leur furteur depuis très longtemps puis qui permettrait de basculer d'un dossier à un autre très très facilement dans la même fenêtre plutôt qu'avoir un paquet de fenêtres ouvertes une après l'autre. Donc la même manière qu'un furteur internet, c'est ça t'entends? Exactement. Donc tu prends un dossier d'un endroit, tu t'en vas sur l'onglet, on bascule à l'autre dossier puis on le dépose à cet endroit-là. Donc pour transporter d'un à l'autre, et ça veut dire qu'il y a probablement une bonne réécriture du Finder qui a été faite. Elle a été entamée avec 10.6 cette réécriture-là. On sait que il était programmé dans l'ancien langage de Apple et que ça a été fait récemment en Coco si je me trompe pas. Un Maverick, c'est aussi un cheval et c'est aussi une voiture Mustang. C'est aussi le nom de Tom Cruise dans Top Gun. C'est son nom. Il y a une photo qui vient d'apparaître sur Twitter. On voit le dock maintenant, comment qui est installé, et on voit le Maps qui est intégré dans le nouveau 10.9. Oh! L'application Maps est en bas. On parle de tags aussi. Rapidement, on lance en fait les nouvelles fonctionnalités pour les fichiers. J'aimerais ça, un rond du Lennon et la face de Tom Cruise avec 10.9 Mavericks. Si quelqu'un est capable de me faire ça sur le Facebook de Mac Québec dans les 5 prochaines minutes, ça serait écœurant. Entre le iTunes et le App Store, l'application dirait un livre. Je sais pas s'ils ont incorporé le iBook Store dans le 10.9. Oh. On dirait un livre. Ça serait intéressant. Les deux seules applications que je vois qui sont pas là normalement. On voit. Mais le Launchpad est encore là. Déception. Plus capable. Toi, t'es déçu. Plus capable. Moi, on va te trouver une ligne de commande pour l'enlever de l'OGS. Je t'aurais enlevé ça, là. C'est comme d'une nullité totale, le Launchpad, là. Je l'utilise, moi. Hein? Ouais, je l'utilise, moi. J'utilise ça. Parce que je me trompe dans mes raccourcis clavier, puis Quicksilver apparaît pas assez vite. Fait que j'utilise ça. OK. On parle de support pour les écrans multiples. Oui. Une meilleure intégration de la sélection d'écrans. Finalement, le menu pourrait être réparti sur le nombre d'écrans qu'on a. Au lieu d'être sur un seul écran primaire, puis deux autres écrans secondaires là, qui servent à rien, là, à moins qu'on déplace nous-mêmes la fenêtre. Là, ouais. C'est quelque chose qui était beaucoup demandé. Les gens qui ont des... j'ai un client personnellement qui est avec deux écrans... Mini DisplayPort, en fait Thunderbolt maintenant, de Apple, 27 pouces, branché à son Retina. Et puis, à chaque fois qu'il faut qu'il débranche tout ça, il fait de l'urticaire. C'était vraiment mal placé. Il faut aller replacer dans les paramètres, puis c'est long quand même. Là. C'est deux, trois onglets à ouvrir. Là. C'est ça, même René Ritchie vient de le dire. Lui aussi, il pense que c'est le iBook qui est intégré dans le dock maintenant du 10.9. Ben, ça serait intéressant parce que il y a pas possibilité de malheureusement lire ces livres-là autre que sur les tablettes. Moi là aussi la fonctionnalité que j'aimerais qu'ils intègrent, si mettons là t'es sur ton iPhone, et tu veux télécharger une application iPad, tu ne peux pas. Exactement. T'as seulement un maudit iPad avec toi. Je veux l'acheter ton application. Donne-moi l'option de l'acheter là, puis je vais le télécharger chez nous plus tard sur mon iPad. Parce qu'on sait, tu sais, que l'application qu'on veut acheter, Apple va l'enlever dans une genre. C'est ça. Là, c'est, je veux pas aller à mon iPad, je veux acheter celle-là. C'est ça. Rajoute-la dans ma bibliothèque. Fait que c'est ça. Puis le fait de peut-être acheter avec ton ordinateur, avec ton téléphone, des applications pour ton ordinateur. T'sais, ton ordinateur est dans ton sac, t'as ton téléphone, ils viennent d'annoncer une nouvelle application, tu la télécharges comme ça. Ça, j'ai une question. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de monde qui ajoute sur le Mac App Store? Pensez-vous qu'il y a un gros pourcentage d'acheteurs à comparer du App Store? Ce qui aide à rendre le Mac App Store plus populaire, c'est que les développeurs qui distribuent leur application sur le Mac App Store ne peuvent pas les distribuer autrement. Donc, il y a bien des développeurs qui choisissent ce mode. Ils font des petits changements dans la version puis ils le distribuent sur leur site web. Mm-hmm. Mais ils ne peuvent pas, effectivement, je pense, le distribuer dans d'autres magasins en ligne. Ça. C'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Une des fonctionnalités, c'est un peu passé sous le radar, mais il parle beaucoup des tags. Par rapport aux tags, ce qu'on a vu dans la diffusion, d'abord, en fait, la couleur qui est ramenée sur la barre latérale du Finder, qui m'ont enlevé, moi, avec 10.7, et j'étais vraiment déçu. Mm-hmm. C'était un repère visuel qui était très, très intéressant. Pour quoi? Quand tu ouvres le Finder, là, depuis 10.7, c'est noir et blanc, les icônes qui sont là. Il y a beaucoup de gens, moi, que je rencontre qui sont déçus de ça. Il y a des lignes de commande qui permettent de le remettre en place, mais c'est pas persistant. Et tu es obligé de refaire la ligne de commande à chaque fois qu'Apple refait une mise à jour... numérique, là, donc 10.8 point quelque chose, à ce moment-là, ça enlevait cette espèce de paramétrage-là. On voit sur l'image ici qu'avec la fonction Multiple Displays, les spaces ou bien les bureaux là, maintenant là, pourraient être gérés indépendamment de chaque écran parce que présentement, quand on a plusieurs écrans, quand on change de bureau, ça change sur tous les écrans en même temps. Mais là, d'après ce qu'on vient de voir sur la démonstration, ça n'a pas changé en même temps là, sur chaque écran. On a dit que, effectivement, Mission Control a été super chargé pour les multiple displays. Mm-hmm. Apple qui va beaucoup de ce côté-là parce que même sur les portables, on est capable de gérer beaucoup d'écrans maintenant. Par contre, l'écran Asus dont je parlais tout à l'heure, c'est impossible de le rouler. Un Mac à date est capable de faire rouler du 4K. Même le Retina. C'est bizarre, hein? Ben le Retina, la carte vidéo, elle donne tout son jus pour rouler l'écran. Mais je sais pas. Je sais pas s'ils vont sortir un MacBook Pro. On parle de Apple TV avec le Multiple Displays. Un peu comme à la AirParrot fait présentement, Apple TV va être reconnu comme un écran supplémentaire avec la fonction Multiple Displays. C'est chouette ça. On va attendre de voir en fait si ça gère du au moins 1080p comme AirParrot le permet. J'espère parce que là c'est avec du 720, je pense que quand tu le fais en AirPlay sur ton D'ailleurs, pour les gens qui auraient un MacBook peut-être pas assez récent dans la génération et qui leur permet pas de diffuser en AirPlay, qui est la méthode de diffusion sans fil d'un ordinateur à une télévision, le petit logiciel AirParrot, qui est une douzaine de dollars, permet de faire ça. Donc, même toi, Benoît, qui a un vintage computer, hipster comme tu es, ouais, tu pourrais activer cette fonctionnalité-là de ton ordinateur. Il y a Advanced. C'est quoi la Advanced Technology sur 10.9? Là? Je viens de voir que Vincent vient de mettre ça. J'ai pas de détails là-dessus. Des détails, Vincent. On veut like, des détails I'd sur... I'd like le... to talk about Advanced... Ils vont... c'est le prochain parler. Point. Ils vont en parler. Non. On voit le fond d'écran bleu-vert. C'est quand même... C'est une vague. Ouais, c'est une vague. C'est inspirant, je veux dire. C'est pour surfer sur le net. Apple TV is now full-powered display in macOS Maverick. Il faut savoir, en fait, qu'on reçoit l'information un peu de la même façon que vous, c'est-à-dire on est sur plusieurs sites web qui se battent entre eux pour lancer l'information le plus rapidement possible avec des gens qui, comme nous, sont sur place. Donc, Il y a quelqu'un sur mon... Il y a quelqu'un sur mon feed Twitter qui vient de dire « RIP Air Parrot ». C'est vrai. Non, oui. Parce que mon Mac sera pas plus compatible avec, avec la nouvelle. Oui, c'est ça. Mais pour ça, les anciens. Ouais, pour les anciens, mais tu sais, comme le mien, oui, non. Il n'y avait pas une application qui s'appelait Reflection aussi qui faisait, ou c'est l'inverse? C'est l'inverse, en fait. C'est la possibilité d'envoyer ton iPhone puis d'utiliser ton écran d'ordinateur comme un AirPlay display. Donc, tu diffuses. Mais sur ton ordinateur. Et ça, en fait, c'est super intéressant quand tu fais de la formation parce que Reflection, qui a changé de nom récemment, je le lis dans ma machine, je vais te donner le nouveau nom dans quelques secondes, mais c'est Reflector maintenant. Reflector. Et quand ton iPhone apparaît sur l'écran, tu as un canevas de iPhone autour. Donc, on voit bien qu'est-ce que c'est. Là. Apple ont sorti OpenGL 4. Oui, c'était très attendu, ça des développeurs. Ça fait longtemps là, que l'OpenGL date depuis un méchant bout. Là. Attends, j'aimerais juste retourner à la photo qui est en dessous, ça ici. Donc, en fait, pour les plus expérimentés, là, ceux qui comprendraient qu'est-ce que c'est, donc de la mémoire compressée, ça va supporter le XCPM, le Deep Idle, le Timer Throttling, le Accelerated Scrolling... on parle de OpenGL 4, de Timer Colossus. Je peux pas dire ça. J'ai-tu le droit de dire ça en nom? Quoi? Ben, Timer Colossing. Colossing. OK. Et le Battery Menu Extra. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais ça semble être un outil qui permet de voir, en fait, les performances. Ben, c'est vraiment... En se fier au logo qu'il y a dans le centre, c'est vraiment des outils qui ont comme but d'optimiser ou d'améliorer les performances de la machine. On va parler de Safari maintenant, ça va? On va les laisser prendre un petit peu d'avance. On va vous passer deux petits messages publicitaires et puis on vous revient dans à peu près une minute. Ça va être en audio seulement. Vous allez continuer à nous voir. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuebec ou en laissant vos commentaires dans la section podcast du site macquebec.com. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. On est donc de retour. Oui, on est de retour. Plusieurs choses qui se passent encore du côté de San Francisco. Toujours la couverture du WWDC. On parle de Timer Coalescing. Donc, on s'était quitté avant la pause là-dessus. On sait-tu qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bien, on parle de demande de contrôle d'utilisation du CPU. On dirait qu'il y a comme... on va jauger un petit peu le CPU, on va prendre ce qu'on a de besoin. Puis... C'est une conférence développeur, donc ce sont des outils pour développeurs. Ouais, et on parle maintenant de WebKit, en fait, Safari, qui sont peut-être plus, en fait, des fonctionnalités que les gens vont utiliser. Le WebKit, faut dire que c'est propriété d'Apple. eux autres qui ont ça, le WebKit, là. Il est ouvert, il est open source, mais c'est pas tout le monde qui sait où aller le chercher. Là. Comme moi, j'utilise que le WebKit. Là. J'ai pas, c'est Safari. En fait, toi, ce que t'as, c'est le furteur qui, à partir du WebKit, il y a des améliorations tous les jours qui sont faites, et il y a un package qui est créé. Ouais. Le WebKit, à la base, c'est le furteur de Apple qui est open source. En grosse partie, mais pas au complet. Là. Apple se réserve quand même certaines fonctionnalités. Et c'est pas mal l'engin qui a pris le marché. Là. Google Chrome est là-dessus. Exactement. Mais par contre, on dit que présentement, Vincent nous a envoyé que Safari utilise beaucoup moins de puissance de CPU que Google Chrome. C'est très vrai. C'est gourmand, Google Chrome. Chrome, là, il est très gourmand avec leur je sais pas ce qu'ils ont mis dans leur WebKit. Il y aurait beaucoup d'optimisation à faire sur Google Chrome. Ah, ouais. Opera, maintenant, je pense, a laissé tomber son outil et maintenant sur WebKit, va maintenant être sur WebKit. Ouais. Donc, à peu près tout le monde est là-dessus. Fait qu'il vous faut le WebKit. Je sais pas c'est quoi, vous le trouvez, mais il nous le faut. Webkit.org, je pense. Ah, c'est compliqué comme ça. Ouais, c'est très compliqué. On salue les 147 personnes qui nous écoutent actuellement. On est bien content de vous avoir avec nous. Et on vous rappelle que vous pouvez participer à la conversation avec Benoît qui est sur le Twitter au MQ. MQWWDC13. Excellent. Ouais. D'ailleurs, je salue une couple de personnes qui nous écoutent. En fait, pour l'instant, les gens réagissent en même temps que nous sur les annonces qui sont faites en direct, justement, de San Francisco. Et vous avez Nicolas Archambault, Benoît Descaries, Fred Fortin, Éric Paquin et Arnaud Doucet qui nous suivent sur Twitter. Et sur le chat, vous avez... Et de la pièce d'à côté. Et de la salle d'à côté, exactement. Mais tu sais, je voulais gonfler les noms. Marc-André Labelle et Ritil Tech, tu mentionnais tout à l'heure, et Mathieu qui nous suivent sur le chat. Et donc, j'ai brisé la magie de la diffusion. Il fallait pas... On parle d'environ 150 personnes qui nous regardent par YouTube Live, mais également on a d'autres personnes qui nous écoutent en audio par notre application, puisqu'on diffuse également sur l'application. 55 personnes nous regardent présentement dans l'application. Développé justement par Vincent, qui est là-bas pour apprendre quelques trucs et encore améliorer. Ça fait déjà comme un bon bout de temps qu'il travaille sur la version 2 de l'application. Après moi, il va revenir de la WWDC, il va jeter ça au vidange, puis il va faire tout de suite la version 3. Avec l'écran holographique là, qu'Apple est supposé sortir sur iPhone 5S. Mm-hmm. Oui, on a lu ça sur la page Facebook ou les commentaires. C'est sur le site si vous fouillez un peu. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec ça. En fait, on le rappelle, là, c'est une espèce de concept qu'il y a eu... il y a quelques années, puis tout le monde s'est emballé. Là. C'était un iPhone qui aurait pu fonctionner, mais avec à peu près 2 minutes et demie de batterie, parce qu'il y avait un projecteur intégré, un projecteur laser à clavier. Le téléphone s'ouvrait pour avoir des petites pattes. Je pense qu'il volait dans les airs. Et il y avait finalement, en fait, un écran holographique. Concept qui a été repris par le diffuseur local NBC de New York lors du lancement de l'iPhone 5. Je pensais que c'était vrai, bravo. Champion. D'ailleurs, je pense que ce téléphone-là se questionnait sur sa propre existence également. C'était assez particulier. Oui, puis en fait, sa batterie descendait, puis quand c'était rendu à 50%, il pétait une coche et t'attaquait sauvagement. Il avait peur de la mort, c'est ça? Il était lui-même namophobe. C'est ça. Qui est la peur de perdre son cellulaire ou d'avoir la batterie qui se vide sur son cellulaire. Donc, il avait peur de perdre son esprit. Ben ça. Voilà. En fait, c'était un téléphone, c'était pas le iPhone 5, c'était le Johnny 5. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'une application qui s'appelle AppNap qui permet de savoir la puissance utilisée pour chacune des applications. Mais on est très, très geeky, très développeur présentement. Ouais, ouais, c'est une portion ça. Qui est très, très pour les développeurs. On parle de beaucoup de techniques, beaucoup de spécificités. Et ce qui est annoncé aujourd'hui, ben en fait, à la fin de tout ça, ils vont dire, évidemment, ce ne sera pas disponible aujourd'hui, ça va probablement sortir en bêta pour que les développeurs puissent prendre possession de ces nouvelles fonctionnalités-là et développer. On devrait voir ça plutôt autour de l'automne. Je viens de voir quelque chose qui vient d'apparaître sur le timeline. iCloud Keychain, donc une synchronisation des mots de passe du Keychain sur l'ensemble de vos ordinateurs et probablement sur vos iPhones aussi parce qu'iCloud est là. Donc, pas juste RIP, AirParrot, peut-être RIP, OnePassword. OnePassword et beaucoup d'autres. Ouais, faudrait regarder. Moi, c'est un produit que j'utilise beaucoup. C'est mais un produit que je viens de m'acheter, donc j'espère que ça ne sera pas rendu désuet. Heureusement, il était à 50%. Exactement. Moi aussi, ouais. J'en ai profité récemment. Oui, j'irai peut-être demander un rembourse. On va voir. Donc, on parle du website logins, le credit card numbers, les network Wi-Fi et les informations de compte qui vont être stockées là-dedans et qui vont être évidemment synchronisées par le iCloud. Donc, en fait, c'est One Password par Apple. C'est ça. One Password qui supporte déjà la synchronisation par iCloud. Ouais. Mm-hmm. Ou par Dropbox. Ouais, ou par c'est Dropbox. Ça. Moi, ça fait des années que j'utilise ça, le shell-là. C'est fou, là. C'est... Une petite chose, en fait, ce logiciel-là est disponible effectivement. Nous, on le connaît. C'est pas très répandu. La plupart des gens que je rencontre, moi, dans ma pratique de tous les jours, ont des problèmes avec leur mot de passe. Et là, tu leur dis, ben, il faut que tu achètes un logiciel. Ils sont dans un cahier, puis. Exactement, là. Oui. C'est niveau zéro du mot de passe. Et quand tu as besoin de le rentrer, ben, ils te le donnent sciemment. Tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a un lien de confiance qu'on crée avec notre clientèle, mais. Ça semble facile. Donc, avec un produit comme ça qui va généraliser la protection des mots de passe par Apple, ben, on risque d'avoir moins peur d'abord de se faire des mots de passe ça de long, de 25 caractères, mm-hmm. qui sont bien protégés. Maintenant, reste à voir si... parce que souvent, quand Apple offre des fonctionnalités comme ça qu'on connaît déjà d'un logiciel, ben, c'est des fonctions de base. Et quand on regarde l'offre de Apple versus l'offre du logiciel, on se rend compte que il manque certains trucs importants. Justement, là, Vincent nous dit que la nouvelle fonction là, de password sur iCloud va pouvoir supporter l'enregistrement de numéros de carte de crédit, là, ce que OnePassword supporte. Ouais. On parle maintenant de FaceTime dans la barre de droite des notifications. Donc, FaceTime qui serait dans les notifications. Ça fait déjà. Oui, il me semble. Mm-hmm. Quand tu reçois un appel FaceTime... Alors, ce qu'on dit, c'est que les notifications qu'on reçoit sur iPhone ou iPad apparaîtraient aussi sur Mac en même temps. Donc un peu ce que Google a annoncé il y a quelques semaines, c'est-à-dire une centralisation des notifications, ce qu'on s'attendait aussi à avoir parce que y a quand même une certaine dégénération mentale qui s'opère depuis qu'on a des notifications et qui sonne de partout. Donc, si mon iPad est fermé... pendant 2 heures, je peux recevoir les notifications sur le iPhone, sur l'ordinateur qui, lui, est ouvert. Mais quand je vais rouvrir mon téléphone, je veux pas avoir les 65 notifications de la conversation Mac Québec chirée sur d'autres choses. Ce qui arrive assez souvent. On parle du nouveau calendrier. On commence à entrer là, dans le skeuomorphisme qui a probablement été enlevé. Là, on attend encore des photos, là, voir de quoi ça a l'air. Mais... Vincent. Map des photos. Apps, c'est ça. C'est vraiment ma apps pour OS X. Il y a beaucoup de monde qui... Le calendrier qui va inclure les localisations et la météo. Apple qui est en train de débouler les fonctionnalités. D'après moi, ils ont du stock à annoncer. Mac App Store. Mac App Store update Arnold automatically. Ils vont te mettre à jour automatiquement tes applications. It's about, qui est It's une about excellente time, chose. Parce que je pense que Microsoft ne le fait même pas avec sa Windows 8. Non? Sa tablette, je ne crois pas qu'à date, il faut que tu ailles dans les settings de Windows Update, aller chercher tes mises à jour de logiciel. J'espère par contre que ça va être une fonctionnalité qu'on va pouvoir mettre à on ou off parce qu'il y a quand même encore des gens qui n'ont pas la bande passante nécessaire à mettre iTunes à 900 MB 3 fois par semaine à jour. C'est vrai. Et on salue Crapule. Il y a Maps pour Mac. Oui, on annonce également. Il y a Alain McKenna qui fait dire sur Twitter que Maps App on macOS send itinerary to iPhone. Mais c'est possible d'envoyer. On fait une recherche d'un itinéraire avec... C'est pas la bonne forme. Il faudrait utiliser le Helvetica New Ultra Light, mais c'est très, très moche. Moi, je suis content. On va faire ça old school. On a notre logo Maverick. Distribuez ça partout. Faites exploser ça partout. On n'est probablement pas les premiers à l'avoir, mais moi, je trouve ça très drôle. Tom Cruise en Maverick. Avec un beau thumbs up. 6.9 Mavericks. Excellent. Donc, en fait, Quand on parle de ramener en fait des fonctionnalités de l'iPhone sur OS X, on vient d'annoncer Maps, on vient d'annoncer iBooks. Oui. Donc lecture de notes, des textbooks, le manuel, tout ça. Donc, est-ce que à terme, on pense que ça va être un seul et même système d'exploitation? Je sais pas, mais intégrer Maps dans OS X, parce qu'on a déjà eu des problèmes avec l'iPhone quand ils ont sorti Maps. Mm-hmm. Mettons, ils l'intègrent dans l'important, mais on va-tu perdre chez eux? On va-tu perdre chez soi? Je sais pas. C'est comme, on va lui demander quelque chose, puis on va dire, C'est rire, amène-moi chez nous. Oui, tournez à gauche, à la prochaine rivière. Oh, vous venez de recevoir une notification. Votre femme ne veut pas que vous reveniez à la maison. Changement d'itinéraire. Recalcule en cours. Holiday Inn. Ding ding, le huissier vient de... Malheureusement, vous allez devoir utiliser le transport en commun ou à pied. On fait les démos des derniers trucs. C'est sûr que quand Apple a sorti Maps l'année passée, il y avait des cerveaux en arrière de ça. Il y avait beaucoup de technologies d'impliquer. Si une compagnie est capable, from scratch, de sortir une nouvelle application de Maps, c'est bien Apple qui a les ressources nécessaires, le talent nécessaire pour le faire. Pendant l'année, ils se sont probablement rendu compte que c'était pas aussi simple qu'ils pensaient. Par contre, pensez-y, une application de Maps intégrée dans l'ordinateur, ça veut dire il y a pas mal de choses. Ils vont être capables de faire leur propre Street View, les adresses, demander en fait un chemin à partir de l'endroit où on est. Oui. Votre ordinateur est localisé, il sait où est-ce qu'il est, vers un autre endroit. Ça risque de faciliter l'utilisation de ça. Je pense que c'est un beau chemin que Apple prend avec ça. Surtout qu'il ajoute les API pour les développeurs. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se développer. On a bien hâte de voir ça. Donc, Est-ce qu'ils parlent du calendrier maintenant? Sont-ils rendus au calendrier? Oui, mais ils l'ont présenté tout à l'heure. Ils l'ont présenté tout à l'heure. Ils sont plus sur le iBooks. Ils sont en train de faire des démonstrations. En fait, ils ont fait un espèce de bloc où est-ce qu'ils lançaient comme les nouvelles fonctionnalités, puis là, ils sont en train de faire un démo. Donc, on va avoir en fait là, un petit peu plus de détails dans les prochaines minutes. L'application a l'air très jolie. Moi, j'aime bien les maps de Apple. Puis, il a l'air d'avoir des images de l'endroit où ça se trouve. Du côté des maps, le prochain champ de bataille va être au niveau des étages et des maps internes. Donc, à ce moment-là, avoir une maps de l'intérieur de vos centres commerciaux, pouvoir demander où sont les toilettes à Siri, et puis il va vous diriger vers là. Et puis, il va vous dire, malheureusement, à cause de notre expérience passée, vous n'arriverez pas à temps aux toilettes. Le prochain coin sombre se trouve à votre gauche. En parlant d'expérience passée, ce qui vient d'être écrit, les maps sur le Mac vont se souvenir de la dernière localisation qui a été synchronisée à partir du iPhone, puis c'est ça qui va être présenté quand l'application Maps va être ouverte là, sur Mac. Je trouve que le iCloud va commencer à être chargé. Est-ce que le nuage va devenir gris? Ça veut rien dire, je trouvais juste l'image belle. Ben, ça dépend. Je sais pas, hein, s'ils mettent beaucoup de stock dedans, je sais pas. Là, la CIA qui va être contente. Avec son accès direct. Avec son accès direct. Prisme. Inspiré de Pink Floyd. Dark Side of the Moon. On est en train de montrer iBooks et c'est les mêmes contrôles qui sont disponibles que l'application sur iPad. Donc, moi, il y a beaucoup de fois où est-ce que j'aurais aimé pouvoir lire les livres sur mon système. J'avoue que c'est quelque chose qui me manquait. Ça devrait être intéressant quand même. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que l'application existe sur l'ordinateur, c'est possible à partir du téléphone de se faire lire un livre. Ouais. Tu peux activer en fait le service d'accessibilité et te faire lire le livre, mais ça va être aussi possible à partir de l'ordinateur. Donc, vous pouvez choisir Julie ou Félix. C'est ça leur nom? Ou Julien? C'est Julien. Julien. Julien ou Félix, qui sont les voix québécoises de OS X. Et puis vous faire lire du Fred Bellerin, par exemple. Qui ne retournera plus sur un plateau de télévision en France dans les prochains mois. Il y a Alain McKenna qui fait demander y a-t-il vraiment quelqu'un qui va lire un livre sur son écran d'ordinateur? Mais on vient d'y répondre. Ben, moi je le ferais, moi, je pense. Ouais. Oui. Parce que j'utilise beaucoup plus mon ordinateur que l'iPad. Ben, aux États-Unis, il y a beaucoup de textbooks pour les étudiants là, qui sont disponibles là, sur le iBook Store. Mm-hmm. C'est... Moi, à faire une recherche, là, je préférais avoir mon textbook sur l'écran de mon ordinateur plutôt qu'avoir mon iPad puis pas pouvoir copier nécessairement des choses, pas pouvoir prendre des extraits. Là. Mettre des notes aussi ou retrouver facilement un passage, ce qui n'est pas le connaissant. Peut-être pas pour un roman, je t'avouerais, mais des manuels techniques, c'est intéressant. Mm-hmm. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe du côté de Twitter, Benoît? C'est tranquille. En fait, les gens réagissent en même temps pour les mêmes choses au fur et à mesure qu'ils sont dites là, sur le... J'imagine que les gens vont être plus intéressés à commenter en direct après justement la fin des dévoilements. D'ailleurs, est-ce qu'on sait exactement combien de temps ce type d'événement-là dure habituellement? Parce que ça fait une heure passée. C'est jusqu'à 15 heures. Jusqu'à 15 heures. Et nous, 10 minutes d'abord. Nous, non, 15 heures. Une heure et 10. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a iOS au complet. Et iOS est normalement plus gros que OS X. Ouais. Donc, soit qu'ils vont déborder... soit que il y a peu de choses ou soit que ils vont passer la prochaine heure sur iOS 7 et il y aura rien d'autre d'annoncé après ça, donc peut-être pas de hardware. Le developer preview est disponible aujourd'hui. Mm. On demanderait à Kim de réactiver on l'a. Non, on l'a. Hii, excellent. On va utiliser la bande passante de ClickPom. Merci beaucoup pour télécharger Phil, le développeur preview. Phil Schiller entre sur la scène pour parler du Mac. MacBook Air. MacBook Air. Oh, il parle du MacBook Air. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont allonger dans un monde où le iPad est le futur du notebook. C'est quoi? Ben, il dit, dans un âge où le iPad est ce que va être le futur notebook, le MacBook Air nous donne vraiment la direction à suivre pour l'atteindre. C'est devenu vraiment le notebook ultime de tous les jours. Dont la caractéristique la plus importante serait la durée de vie, une batterie qui dure toute la journée. Et on annonce donc les nouveaux MacBook Air as well, ultra low... ULT processeur. Ouais, ULT. Fourth Gen Core as well ULT. C'est son nom. Je vois descendre sur ma timeline de Twitter. Le monde sont déçus qu'ils sortent cet automne Mac OS X. Parce que c'est tout le temps. C'est un an plus tard. C'est tout le temps comme ça. Là. Ouais, ils l'annoncent au WWDC. Puis après, ils te le shoot à l'automne. C'est parce que s'ils vous le laissent aujourd'hui, il va rien se passer sur ce système d'exploitation-là. Il n'a pas été testé. Non. Il n'y a pas de développeurs qui ont pu prendre possession des nouveaux API. Donc, peut-être qu'on peut être déçu, mais en même temps, ça fait juste 6 mois qu'on a Mountain Lion sur nos ordi. C'est un événement pour les développeurs. Donc, c'est pour présenter aux développeurs qui, eux, vont développer des choses. Donc, c'est normal que faut leur donner un petit peu de temps pour développer. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils ont accès aux produits. Ils vont pouvoir développer leur logiciel ou les améliorer. Et ça va aller dans le courant de l'automne. Des nouveaux MacBook Air, autonomie de batterie, 9 heures le 11 pouces et 12 heures le 13 pouces. C'est 2 heures de plus que ce que le Haswell présentait. Ouais. Donc, il y a eu une optimisation de la batterie ou abonnement. Et voilà, les puces AC sont intégrées dans les nouveaux MacBook Air. Hmm. Fait que les nouvelles bornes Air probablement parce qu'il va falloir changer mon kit encore chez nous. Un autre 1000. Donc, pour rappel, le AC est une norme qui va aller 3 fois plus rapidement que le N actuel, qui est à peu près topé à 450 mégabits seconde sur les bornes Apple. Donc, on lance en fait le gigabit Wi-Fi sur Apple. C'est changer nos routeurs à la maison. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, moi, le 12 heures, là, c'est vraiment quelque chose. Là. Quand même. C'est 2 heures de plus. Le MacBook Air est basé sur un tout nouveau disque flash qui est 45% plus rapide que l'ancienne version. Donc, quand même assez impressionnant au niveau des gains de performance au niveau du disque dur. Also announcing some new airport base station with new design. New design? Oui, juste 4 pouces. Carré et une extrusion de 6 pouces. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Non, ça pas encore, vient, ça s'en vient. Nouveau Airport Extreme qui fait le AC, mais il y a aussi Also room in there for our hard drive, so there's a new time capsule too. Foaming antenna array, simultaneous dual band, three stream. Il présente les deux produits en même temps, très très rapidement. C'est après coup qu'on va voir, quand ça va apparaître sur l'App Store, qu'on va avoir les petits détails. Mais on parle d'un 11 pouces et d'un 13 pouces. Qui sera disponible aujourd'hui. Qui serait disponible aujourd'hui à partir de 999 $ pour un disque dur de 128 gigs. Deux fois plus de storage que ce qu'on avait sur le plus petit modèle. Pas combien au Canada, ça? 1049. Ouais. C'est un disque flash. C'est un disque flash, oui. C'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui est à la base du pour fait ça, que ce... Qui est très mince pour ça. Oui, ben c'est pour ça qu'il est très mince, mais c'est pour ça que la batterie dure longtemps. C'est pour ça qu'il est extrêmement rapide pour monsieur, madame, tout le monde qui font du Word, des trucs comme ça. Ils n'ont pas besoin de graphisme pleine puissance. C'est vraiment l'intégration du flash drive parce que remplaçant le disque dur qui était le goulot d'étranglement depuis mm-hmm. toutes ces années, ben c'est comme ça qu'ils ont pu faire une machine très intéressante. Donc, simultaneous dual band, beforming antenna array, 2 TB ou 3 TB Apple. Il y a du monde qui commence à parler de Mac Pro. Oh, oui, on voit Mac Pro aussi. Disponible maintenant. Un Mac Pro en développement. C'est comme vous n'avez pas eu assez de temps pour le développer depuis... Et puis, vous avez dit que vous alliez ça le développer. Ça fait quoi? C'est quoi, 2010, ouais, la dernière version? Oui, mais il faut rappeler que Tim Cook avait promis quelque chose de nouveau fin 2013, ouais. 2014. Mm-hmm. Donc, on annonce Mac Pro. J'entends ou pas mon patron crier comme une fillette de l'autre côté. parce que ce qui se passe, c'est qu'en annonçant aujourd'hui un Mac Pro, Apple montre en fait la direction où ils vont aller dans les prochaines années et qui laisse pas nécessairement tomber les professionnels. Et ça, c'était très, très important d'avoir un produit comme ça parce qu'actuellement, quelqu'un qui faisait du montage vidéo était pris avec une tour qui a été mise à jour en 2012, mais dont les processeurs dataient de 2010. Et on nous dit que c'est l'ordinateur le plus rapide au monde, puis tout ça. Mais non, en fait, on est capable de se monter des Hackintosh, qui sont des ordinateurs PC sur lesquels on fait rouler le système d'exploitation d'Apple. Et les Hackintosh sont beaucoup plus puissants que ce qu'on peut avoir en termes de Mac. C'est assez populaire chez les gens qui veulent renouveler leur matériel de montage vidéo. J'ai des amis qui ont fait ça. Ça marche plutôt bien. Il faut se renseigner, on s'entend. Ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, là, mais c'est relativement simple. Donc, Apple dit que c'est le futur de l'ordinateur de bureau professionnel. Ça serait présenté d'une manière assez épique. Là, les lumières se sont éteintes. Il y a des images en slow motion sur l'écran. Oh! Là, voici Steve Jobs qui fait « Wow, you talk, I was gone. »« I wasn't dead for real. » Vous avez pas mis l'événement en direct, ça? Non, ça n'arrête pas de couper. Ça n'arrête pas de couper quand on le fait. Puis on est comme en retard là, sur le reste. OK, là. C'est bon. Les gens d'Apple auraient dû faire appel à ReptilTech pour la discussion. Ah, la prochaine fois, peut-être, les gars. En attendant, c'est rond. Hein? C'est une colonne. On voit-tu l'image? Phil Schiller qui dit « Can't innovate anymore, my ass. » On peut plus innover. On attend une image avec impatience. Ouais. Oh, il y a comme l'esprit de Steve Jobs qui vole dans la salle. Les gens applaudissent à tout rompre. Et voilà. Oui, voilà. Hey, ça... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle son 2001, le 17 C'est l'espace? Le monolithe de l'Odyssée. C'est le monolithe, man. Mais oui. Faut qu'il y ait un rond rouge là-dessus. Ah non, mais en fait, c'est une boîte pour les lunettes. C'est ça. C'est un PS. C'est un étui à lunettes. Voici le eye. Le eye glass. Le eye. Ben oui. OK, on parle de. On regarde ça. Le chip Xeon. Xeon 12 core. Up to deux fois le processeur. Bon, ben, deux fois plus la performance que l'ancienne génération. On le rappelle, le processeur date de 2010. Est-ce que les processeurs Aswell Xeon sont sortis? Je te mets là-dessus. Il faudrait, moi. Que j'ai pas assez à switcher de caméra, faut que je cherche en même temps. Que c'est pas lancé maintenant, justement, ils attendent des processeurs Xeon Aswell. Ah, peut-être, ouais, bon point. Mémoire plus rapide, la mémoire ECC, donc Error Correcting, de la mémoire DDR3 à 1866 MHz, il n'y en a pas beaucoup, en 4-channel controller et 60 gigs par seconde de bandwidth. Ça semble assez impressionnant. On parle d'un storage PCI Express Flash. Ça doit rouler assez solide. 1,25 gigabits par seconde de lecture, 10 gigabits par seconde d'écriture. D'écriture. It's 10 times faster than any hard drive in a MacBook Pro before. Pouvez-vous le traduire en français quand c'est 10 fois plus rapide que tous les disques durs sur n'importe quel Mac actuellement. Mm-hmm. Ouais, non, mais c'est ça. Mais pas pour moi, là, mais pour nos auditeurs. Ça, c'est un petit peu décevant. Toutes les expansions sont externes sur Thunderbolt 2. Et on sait que la bande passante du Thunderbolt 2 n'est pas assez rapide pour du graphisme. C'est-à-dire pour une carte graphique. On parle du AMD Fire Pro Graphics. Qu'il y a dedans. Enfin, qu'ils ont mis une carte graphique qui a comme assez d'allure que tu n'as pas envie de mettre une externe. C'est bon. Puis la beauté du Mac Pro, c'est de pouvoir augmenter sa carte graphique ou de pouvoir changer ses pièces. Oui. Ou en ajouter. Est-ce que c'est quelque chose qui toujours, disparaît? Est-ce que c'est toujours le cas? C'est possible de connecter jusqu'à 3 écrans 4K sur le nouveau Mac Pro. Wow. Donc 12K d'écran. 30 000 $ d'écran. Ouais, c'est sûr que vu de même... On peut aller jusqu'à 3 écrans 4K. On a des gens qui nous écoutaient qui étaient comme « Yeah, Mac Pro! » Puis ils viennent dire 30 000 $ d'écran. Puis les fois, ouais. C'était pas plus que 6. Je continue à pas manger. Il reste que si t'as 6 pixels ou moins, tu peux pas le faire remplacer. Fait que là, t'achètes ton MacBook Pro rond, t'achètes ton D-Link, ton routeur D-Link rond. Le nouveau AirPort qui est rond aussi. Tu te fais comme, tu sais, comme il y avait sur les comptoirs de cuisine, là, t'avais le gros pot rond, le moins. Mais j'ai la misère à figurer la. C'est drôle parce que. Ils ont dit tout va devenir plat, tu sais, l'interface, blablabla. Même que l'interface va devenir comme celle de Windows 8 avec les carrés bien carrés. Non, Johnny Ive a entendu, il a dit OK, on va aller de l'autre bord. Round corner, extreme, puis tout est devenu rond. Il va avoir une poignée sur le dessus. Donc peut-être que c'est fait. On va l'emmener avec toi. Il y en avait sur l'autre aussi. Ben, c'est juste qu'il fallait que tu ailles chez Chespra pour réussir à le transporter. C'est vrai. Donc, 4 ports USB 3, 6 FireWire 2. Donc, ils ont gardé du FireWire. Moi, troisième même, je mets au défi d'en dessous de faire une capsule avec Chespra où il va lancer des Mac Pro à Étienne. Va là-bas, je vais te lancer un rack de Mac Pro. Later this year, plus tard cette année. Il est fait aux États-Unis. Il n'est pas fait en Chine, il est fait ici. C'est intéressant. Donc, ça va arriver plus rapidement, mais plus tard cette année. Oui, mais il va y avoir moins de justifications pour le vendre plus cher au Canada parce qu'ils pourront pas. Il n'y a pas de frais de douane pour l'importation. Moi! Parce que tous les produits fabriqués aux États-Unis, selon l'accord de libre-échange, il n'est pas supposé d'avoir de frais. Des tarifs douaniers. Des tarifs douaniers, là. Des taxes, mais pas de tarifs douaniers. Si on est chanceux, ils vont nous le vendre moins cher qu'aux États-Unis. Peut-être. On parle de gigabit Ethernet, de HDMI out, on parle de 4 ports USB 3, 6 FireWire 2, donc du FireWire 600. Rouler, ça c'est très important par 3 FireWire 2 controllers. Donc, Les ports FireWire, il y en aura 6 sur l'appareil. C'est du FireWire 800. Et c'est 3 contrôleurs différents qui pourront les faire. Donc, c'est très important pour les gens qui font de la musique, qui ont beaucoup, beaucoup d'appareils à brancher là-dessus. Parce qu'avant, il fallait aller rajouter des 4 PCI. Ouais. Donc, le fait que ça soit sur chacun de ces contrôleurs... Ouais. La question, on va-tu pouvoir expansionner le Mac Pro? Ben, c'est, on peut-tu l'ouvrir? C'est ça qu'on va voir, en fait. Je pense qu'il voulait plus dire 6 ports Thunderbolt 2, parce que on voit là, sur l'image ici, c'est le logo Thunderbolt là, qu'il y a entre les 6 ports. Okay. Donc, ce serait des ports Thunderbolt 2. Mal été rapporté. Oui, il y a eu une faute de frappe. Là, une faute. Spin it around, get access. Mac Pro design by Apple Cupertino. Assemble in USA. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu marquer Assemble in USA. Et en fait, c'est Assemble, c'est pas build comme au complet, fait que mais les pièces, il y a quand même certaines pièces qui pourront pas venir des États-Unis. De l'extérieur aussi. On parle d'un nouveau logo, ce qui s'en vient. On parle d'un nouveau logo pour iCloud. Oh. We now have 300 million users. On a maintenant 300 millions d'utilisateurs qui utilisent la fonction et qui retéléchargent du contenu près de 35 milliards de fois. Sur iTunes in the cloud. Ouais. Oh, donc ça veut dire qu'on pourrait annoncer iRadio aujourd'hui? Ça s'en vient. Ça s'en vient dans la direction. Donc, 7,4 trillions de notifications push qui ont été envoyées des serveurs de Apple. Il chôme pas hein, quand même le serveur de iCloud. C'est pour ça que des fois, il est... Tim Cook announced new iWork with deeply integrated iCloud. Une meilleure intégration d'iCloud dans iWork. Ouais, parce que là, il faut le dire, là, c'est assez mauvais l'intégration iCloud. Là. C'est pas très bon. Donc, Page Number et Keynote, est-ce qu'il va y avoir plus de choses ou ça va vraiment juste être l'intégration iCloud? Parce que ça fait quand même quelques versions là, qu'on a, intégration de ci. Premier essai, c'était iWork.com, qui est resté en bêta à peu près toute sa vie. Ouais. Il n'a jamais débarqué de là. Salut, je suis quelque chose de bêta. J'ai un potentiel d'être vendu par Apple. Il y a comme un dude d'Apple qui rentre dans ta niche. Bang! C'est fini. Donc, pour ceux qui se posaient la question, il va-tu avoir encore un iWork? Ben effectivement, ça semble être le cas parce qu'il va avoir iWork pour iCloud. Excellent. Est-ce qu'on veut compétitionner Microsoft avec un produit qui va être entièrement sur le cloud? Au lieu d'avoir des logiciels qu'on télécharge, qu'on installe sur nos ordi, ce serait carrément des applications sur le cloud? Moi, ma question, c'est est-ce que Apple vont être les premiers à commettre... iWork, on l'achète sur l'App Store, on l'a sur nos appareils iOS. Est-ce qu'il va se mettre à jour automatiquement ou ils vont l'appeler... Page 2, Keynote 2, puis Numbers 2, ben, et ils vont faire payer le 15$. C'est marqué iWork for iCloud. Il y a pas de... Ah, ben c'est peut-être ça qu'ils vont faire. Ils vont dire c'est iWork pour iCloud, puis tu peux payer pour l'ancienne version. Pour l'ancienne version. La question, c'était quoi? Excuse-moi. C'est les applications, au lieu d'être des logiciels, ça va être carrément des applications sur le cloud. Non, je pense pas. Apple n'est pas bon là-dedans, de toute façon. Donc, ils sont mieux de rester au natif, téléchargeable, utilisable sur... Il reste à voir avec ça au Office 365, Google Docs. On voit en fait, c'est basically ce qu'il annonce, c'est le compétiteur. Ben, c'est iWork for iCloud, ce serait Google Docs en fait. Ils font maintenant une démo. Prochain. Ah, attends, non, ils sont en train de l'ouvrir dans Safari. C'est un produit, ça semble être des applications qui vont être ajoutées sur iCloud.com. C'est la tendance, c'est Adobe qui font ça maintenant. Microsoft s'enligne là-dedans aussi. Ben, c'est la tendance. Microsoft et Adobe, ce sont des logiciels qui sont téléchargeables, par contre. Quand tu t'abonnes au service dans les nuages d'Adobe, c'est les vraies versions des logiciels que tu télécharges et que tu installes, mais c'est un espace cloud qui te donne avec ton abonnement pour avoir un espace collaboratif. Même chose pour Office 365, ce sont les vraies versions de logiciels. Les seuls qui font vraiment de l'applicatif sur le web, donc qui sont pas mal en avance sur tout le monde, c'est Google. On est encore très content, 147 personnes en ligne. On vous salue. On est content que vous soyez là et on espère que vous appréciez en fait la diffusion jusqu'à maintenant. Vous pouvez rejoindre Benoît au hashtag MQWWDC13 et à date en fait nous faire part. Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que Apple a annoncé un peu ce que vous attendiez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous titillent, vous excitent? Moi, à date, j'ai l'impression qu'il y a un peu un symptôme PS4 là-dedans, c'est-à-dire voici tout ça, pas maintenant, pour beaucoup de choses, c'est-à-dire pas de macro maintenant, OS 10, on le savait, mais on a le développeur preview, on va scraper notre machine avec ça. C'est clair. Au moins, ils n'ont pas juste montré la manette, ils ont montré au moins. Puis ils l'ont même tourné de bord pour montrer comme qu'est-ce que tu peux connecter dessus. Excellent. En passant, la Xbox, en novembre, 500$. C'est cher? C'est très cher. C'est très cher. Très cher. Mais il y a un Blu-ray dedans. Mais oui. 4K. Ça ne peut rien, un Blu-ray. Comment ça? tu peux me devoir 75$. J'ai payé mon graveur 75$ pour mes Blu-ray. Fait que man, toi. Un graveur Blu-ray 75$? Ben oui, un LG, je l'ai pas en spécial quelque part. Ah. Hmm. Ouais. Après l'émission, on va se parler. Il y a Yves sur le chat de Mac Québec qui nous dit qu'il a hâte de voir le prix du Mac Pro. Est-ce que ce serait possible de designer un nouveau iPad OLED sur ce modèle? C'est une question qui nous provient de YouTube. Est-ce que c'est possible de sur ce modèle? Oui, le modèle de quoi? Un lien pour voir une vidéo avec. Ah, OK, c'est un lien qui est fourni avec. Donc, on va essayer de le regarder, de se le diffuser. C'est bien hot, un écran 27 pouces! On désire remercier nos commanditaires. En passant, on est dans les locaux de ClickPom, oui. Nos commanditaires, vidéo et boutique Sex Plus. Coop UQAM également, qui nous a fourni, nous ont prêté de l'équipement, pas nous ont fourni d'équipement. Aussi. On a un iPad qui est à San Francisco actuellement, qui vous fournit en photo. J'ai un 27 pouces à mes qui est en train de chauffer, ouais, solide. C'est clair. L'écran, on a deux écrans 27 pouces, donc merci pour merci, le support. Et en fait, Coop UQAM, qui est notre partenaire depuis la dernière année, et exact. On est très content d'être avec eux. On fait des tests matériels grâce à eux. Donc, c'est vraiment intéressant. On vous rappelle le concours aussi de 100$ de cartes cadeaux qui doit être lancé incessamment sur le site de Mac Québec. D'accord. On a aussi Reptile Tech qui nous ont beaucoup aidés pour toutes sortes de choses, dont l'hébergement en catastrophe pour nos tests. Exactement. Et en fait, l'optimisation du site web. Exact. On a Extrême. Production Extrême. Production Extrême. Pour le swag. Qui nous ont fourni les chemises style F1. Ouais. F1. Et Pascal qui... Pascal ou Pascal qu'on dit? Jean-François qui est encore en train de trouver des features dans ça. Ah, ben oui. Dans cette chemise. Hey, il y a une poche. Ah, on va mettre mon paquet de cigarettes là. Ben, en fait, je lui ai demandé une housse pour un iPhone. Fait que c'est pas mal ça qu'il a fait. Puis on a Pascal. C'est-tu Pascal ou Pascal? Pascal. Pascal. Oui. Qui ont fourni les billets d'avion pour Vincent qui est présentement... dans la salle. Et à qui on apprend que c'est « aller seulement ». Donc, voilà. On a Télestream aussi. Télestream ben également, oui. Bien oui, pour le logiciel Wirecast. Ce que vous voyez présentement, là, les sous-titres, tous les switches d'écran, là, c'est tout... C'est grâce à ce logiciel-là. On les remercie beaucoup pour la licence qu'ils nous ont fournie pour la diffusion. Ah mon Dieu, iWork pour iCloud fonctionne sur Windows 8. iWork pour iCloud. iWork pour iCloud fonctionne sur Windows 8. Ben, c'est dans le browser, fait que ouais. Ça fonctionne aussi sur Linux. Ça doit. Ah, ben, il supporte Internet Explorer, c'est pour ça. Disponible maintenant que j'ai lu. En bêta. iWork pour. En bêta. Disponible maintenant. Starting today as a beta from. On va te bourrer la bande passante. Là. Moi, tout télécharger ça sur mon ordinateur. Moi, tout vous sharer ça tout à l'heure. Vous ne créerez pas à ça. Ah non, je vais le re-télécharger, là, moi aussi. Là. C'est le fun de télécharger les affaires. Oui, booster la bande passante. On nous demande si iOS 7 est sorti. En fait, non, il n'est pas sorti. Il n'a pas été annoncé non plus pour l'instant. Ça risque d'être dans les prochaines minutes. C'est là. Ça serait très étonnant. Ça, il commence. Il commence à parler de iOS 7. Ben, dans les 12 dernières minutes, ils ont quand même annoncé un Mac Pro, un logiciel et pas mal de fonctionnalités nouvelles qui sont quand même assez intéressantes. J'ai hâte de mettre la main là-dessus. 600 millions de produits iOS vendus. Mm-hmm. 600 millions. Oh, quand même un bon parc informatique. Un bon parc. La vidéo qu'on nous demandait, un écran iPad OLED sur ce modèle. C'était une affaire de frisbee, là, la vidéo. Là. C'était sûrement pas le bon lien là, qui a été copié. Bon. De toute façon, Apple a clairement mentionné qu'il ne voulait pas utiliser les écrans OLED actuels, de technologie actuelle, parce que les couleurs sont sursaturées. Ce n'est pas la qualité d'image qu'ils veulent fournir. La prochaine technologie qui va être utilisée dans les appareils iOS, qu'on pense être annoncé autour du mois de septembre-octobre, va probablement être la technologie de EXO, qui va être le dernier souffle de Sharp. En fait, si Sharp ferme pas avant, ça va être la technologie EXO. Sinon, on sait pas du tout, parce que ça pourrait être les seuls à fabriquer cette technologie-là. Ils vont être obligés de la vendre à quelqu'un. D'après moi, Samsung a des yeux là-dessus, puis ils vont racheter ça. Du ça côté de Twitter, ouais. Yann Thériault, notre ami Yann Thériault à Crapule, Il se demande s'il y a encore une mise à jour d'iTunes. Non, il nous salue, qu'il il trouve que c'est un bon travail, mais je voulais juste lui dire que s'il voulait reconsidérer sa diffusion vidéo, ben peut-être de prendre Wirecast, ça fonctionne très bien. Oui, ben c'est solide, en fait, là, on n'a pas de plantage jusqu'à maintenant. Il y a aussi Dominique Desbiens qui fait une excellente couverture présentement sur Twitter. Il rapporte vraiment bien toutes les actualités, puis lui, c'est un habitué, tout le monde en parle, il rapporte beaucoup. Ce qui se passe, là, on pourrait... pourrait rapporter, dans le fond, tout le Mac en parle. C'est une habitude de tout point. On pourrait se faire il est partout. On pourrait se faire tout le Mac en parle, puis Dominique Desbiens pourrait... On salue Patrick Pilon qui a participé à la petite capsule qu'on a diffusée au début. Fred Fortin qui nous écoute. Simon-Olivier ouais. Fecteau qui a retweeté notre événement. Il y a Jean-Marie Jolois également là, dans Twitter qui a fait... Julien Marotte, V pour Design, Marc-Olivier GL. Il y a quand même beaucoup de monde en ce moment. Beaucoup de monde qui nous suivent. Excellent. Merci beaucoup. Ben, retweeter, aller sur iTunes, nous donner 3,5 étoiles sur les podcasts. C'est-tu la semaine passée qu'on on parlait de ça, qu'une étoile, c'est que... Tu l'avais jamais utilisé. Ah non, c'est au restaurant l'autre jour avec Yelp. On a eu une mauvaise expérience au restaurant. On le nomme-tu? Non. Ah oui. Ouais, on va le nommer. Non, on fait pas ça. On risque de se faire poursuivre. En tout cas, c'est un restaurant d'un bar sportif. Ouais. La rue Sainte-Catherine. C'est la rue Sainte-Catherine. Voilà. Et comme on sait qu'il n'y a pas de cage au sport Sainte-Catherine, ah oui, il y en a une. Tu parles-tu de celui qui est en face de Place du Puy? Exactement. Oui. Ah. Ça y est, on est mort. Mais tant qu'à ça, en fait, c'est Jean-Michel qui avait une super bonne théorie. C'est que si tu, quand tu regardes les reviews des gens, s'il y a une étoile, tu sais que c'est, pour reprendre une expression à Benoît, un anal qui a décidé de... Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, puis lui a dit, c'est une étoile. C'est parce qu'ils l'ont livré comme ça. Si tu mets deux étoiles... La personne va arrêter sur ton commentaire et va lire, tu sais, parce que tu élimines tous ceux qui disent 5, c'est probablement de toute façon le propriétaire de la place et sa famille, puis tu élimines tout ce qui est 1. Puis là, tu regardes les gens sensés, puis tu sais, dans la zone grise, en fait. On va tourner du côté Mac. Oui. On sait où on va pas manger après le show. Donc, on parle de 600 millions de produits iOS vendus, que les utilisateurs de plus de 50% ils utilisent en fait plus que 50% de leur iPhone que les autres produits. Donc, les gens qui ont un iPhone utilisent beaucoup plus leur appareil qu'un produit Android. Ouais, puis en fait, génère plus de bandes passantes, génère plus d'argent, même du côté de Google, en fait, Google fait plus de sous sur iOS que sur ses propres téléphones. Comment ils font pour faire des sous sur iOS? Il y a de la pub. Mais il y a de la pub. Mettons, dans les applications. Tu pars un vidéo YouTube là sur YouTube. Ouais, ok. T'as le 15 secondes, ça te fait une pub. Mm-hmm. Ok, c'est vrai. Ouais. Donc ils comparent avec Jelly Bean. Puis il y a 33% de gens qui sont sur le dernier OS. Par contre, ça monte à 60-quelques% si on calcule les deux dernières versions de Android, parce que sur Android, là, il y a un lifespan, un temps de vie un petit peu plus court pour les appareils, vu que les compagnies veulent faire des sous en vendant un appareil plus récent. Donc, attention, nouvelle version. On peut l'appeler iOS 7. On va l'appeler iOS 7. Tu sais, le 7 écrit avec le fond, oui, en grosse bannière. Il n'aurait pas fait des grosses bannières 7 s'il ne parlait pas du iOS 7. Excellent. Donc, ils annoncent iOS 7, le prochain système d'exploitation pour vos iPhones. On attend beaucoup de ce système-là. Oui, parce que le iOS 6, il est vraiment, c'est vraiment désuet comme système, parce que même avec le 6.1 qui ont sorti l'année passée, c'était 2000 nouvelles features. Mais 200. 200 nouvelles features, mais c'était comme 190 corrections de bugs, puis 10. Donc, non, c'était pas des corrections de bugs, c'était des petits switches, des comportements. C'était pas à bonne place, l'antenne n'était pas bien comme il faut. Donc ça commence. Tu le tenais pas bien. Ouais, Apple présente iOS 7 comme le plus gros changement à iOS depuis l'introduction du iPhone, puis ils sont en train de présenter une vidéo qui présente la philosophie de là, derrière Johnny Ive. Derrière ce changement-là. Là. Lui, là, s'il sort dehors après le truc, là, puis qu'il y a une auto qui passe dessus, là, Apple, ça va mal. Ouais. C'est un one-team player. Là. C'est comme le gars tout seul qui fait tout. On va essayer d'avoir la diffusion qui choquait un peu tout à l'heure. Mais connectez-vous sur vos LTE. Ouais, sur nos... Ah. l'a sur l'écran. On l'a sur l'écran. Excellent. On va regarder ça quelques secondes et on découvre en même temps que vous. Ah ouais, ben ouais. Merci. Je l'ai pas sur la bande. Ah ouais, tourne l'écran, là, arrête de nous teaser. Il va avoir mis OS X sur le iPad. C'est fini. Ah, ben ouais. Non, non. Tu pas fou. Parce que là, ils sont en train de nous MacBook Air. Non, c'est un MacBook Air, là. On a le son, le son. On n'a pas de son. Ouais, mais il y a de la pub dans les applications. Non, non, on s'entend double. Là. Bon, j'ai rien dit. Ouais. Ouais. On nous montre des écouteurs. On nous montre. Bon. Les écouteurs. Ouais. Avec un MacBook Air. Hey, c'est plate chez Johnny Hive. Il n'y a pas de meubles. Ah. Jamais. C'est très épuré chez eux. Ouais, c'est... Il y a un bon fond blanc derrière en arrière. Ça a l'air que... Bonjour, je suis Johnny Hive. Ouais, dernièrement, font, j'ai demandé à ce qu'on mette à la porte le type. On voit qui des images. Là. Et ça bloque. T'as pas de LTE. On parle de... Vincent, lui, il nous rapporte toujours... Le nouveau side lock vient d'apparaître. Je vois des toggle switch. Oui. On voit des toggle switch. Oh mon Dieu! Et si bon! Quoi? Ah non, on voit pas le vidéo. Ah, alors je vois. C'est un changement assez drastique. C'est très drastique comme changement. C'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. JM, il pleure. Il yes. Le nouveau iTunes, il est... très beau. Mm-hmm. Faut qu'il l'annonce aujourd'hui. Je veux. Ah, oh, le nouveau mail. Oublie ça, là. Ça va se télécharger. Les versions. Le serveur de développeurs vont planter. Il y a du monde qui vont s'abonner. Juste c'est pour clair. Ça. On parlait de faire de la diffusion télé. Ben, on dirait que ça ressemble à ça un peu. Comme application. Wow. Ça, c'est le notification. Oh! C'est ça. Super bel effet, mais c'est quoi? Ça c'est... sert à quoi? OK. Wow, l'effet est écœurant. Un nouveau clavier. Ben, en fait, nouvelle couleur. Ouais, nouvelle couleur de clavier. C'est plus des... on a des points à la place ouais, en y a haut. Il n'y a pas de nom là, de fournisseur. Là. Je ne sais pas si c'est voulu. Ils ont réussi à dealer de se débarrasser du nom de fournisseur. Peut-être. La météo, tu as le hey, c'est comme SkyMotion. SkyMotion fait ça. Hein? Oh, on voit. Oh, un c'est peu, un effet 3D. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un effet 3D. C'est faisable. Je pense sur les, que tout à l'heure, quand tu nous montrais plusieurs couches, on dirait qu'il y a comme plusieurs couches en superposé que tu pourrais voir. Mm-hmm. Donc, tu pourrais avoir comme une application en arrière. Apple a effectivement un brevet par rapport à ça, c'est-à-dire une espèce de trois dimensions dans la profondeur de l'écran, mais pas pour créer un effet là. À donner mal au cœur, mais affaire. Vraiment quelque chose au niveau de l'utilisation. Wow. OK, bon job, Johnny Hive. Ça a l'air que le monde capote là-bas. Là. Ah oui? Ah oui, ça a l'air qu'ils sont malades. Là. Ça doit crier comme des malades. Là. Ils ont tous la bouche ouverte. Là. Ben oui, c'est ça. Ça doit baver. Là. C'est comme ça coule. Là. Hey, c'est moi ou le téléphone sur lequel ils sont en train de... Non, OK, c'est un iPhone 5. Donc, dans le iOS 7. Wow! Hey, c'était malade! Le multi, c'est le multi. on n'a plus de mots. On est vraiment bluffé par l'interface. Si on l'avait vu, le clavier téléphonique. Donc, pour les gens qui nous écoutent présentement, ce qu'on voit présentement, c'est la présentation du iOS 7. Il y a une nouvelle section de notification. On a aussi un effet translucide qui est derrière le clavier. On a la météo qui est maintenant en animation. Le changement d'application en multi, comment ça s'appelle? En multitask. On a multitask. Les onglets. Donc, on change d'une application à l'autre et on voit les onglets qui sont ouverts dans chacune des applications. Là, on veut quoi? Dire. On voit l'application. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on dit, là, pour ceux qui nous écoutent l'autre côté de la vitre, on fait les téléchargements de iOS 7. Je vous branche ça sur le compte développeur. Je veux que vous me fassiez un texte complet de la version bêta qui va sortir d'aujourd'hui. Ouais, ben toi, le passbook qui est un peu enlevé. Je pense que les effets, c'était un peu pour frimer. Je suis pas sûr que le téléphone est capable de produire ça, par exemple. Ça serait... Des applications qui font des affaires similaires. Je pense que c'est une application totalement ridicule, mais labyrinthe, là, le genre de petit jeu de labyrinthe avec une bille, il y a un effet 3D qui ressemble à ça là, quand on tilt l'iPhone. Là. présentation est finie. Donc, on va venir nous montrer en fait la viande. Présenter en détail. Là. Les gens ont l'air très enthousiastes. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant au niveau. Le monde se lève. Ovation. Le monde se lève. C'est clair là, ou ça là. C'est changement drastique là. Ouais. On n'aurait jamais cru ça là. Upgrade. Bon, est-ce que l'action d'Apple vient de remonter? Je sais pas. On peut regarder. On peut regarder ça présentement. Attendez. Moi, je touche pas à mon téléphone jusqu'à temps qu'il y ait ça dessus. Montre-moi l'action. Attends, parlez pas là. Montre-moi l'action de Apple. Je n'ai pas tout à fait. Ils n'ont pas mis à jour Siri encore. Et Siri par jour. Finance. Point. OK. C'est là qu'on va pour regarder les actions d'Apple? $1.75. Ça a monté $1.75 depuis 2h25. Là, ça vient juste d'arriver. Oui. 1.48. Ça oui, monte. On vient de voir monter. Ouais. C'est sur le Google. C'est un peu pastel, par contre, non? Pastel? Ben, tu sais, tu regardes les icônes, c'est un peu. C'est correct. C'est malade. Oh, Hey, en 3D, là, ouais, c'est malade. Là. Il y a un effet 3D, effectivement. Vraiment agréable au téléphone. Wow! Bon, Alexis, tu vas-tu l'installer? Oui, je vais l'installer. Donc, un lock screen différent. Le lock screen ressemble un peu à du Android, par exemple. Ouais. Je suis désolé, là, mais c'est assez inspiré. Puis slide to unlock, c'est vers le haut ou... Toutes les icônes ont été complètement refaites. Beaucoup plus simple. Calendrier, il n'y a plus une trace de cuir dans le calendrier. Je sais pas si je pourrais tourner ma webcam et le montrer peut-être quand, pour bien illustrer. Je ne sais pas. Là, j'ai un petit problème de. On salue Joe DeMax, John Cole et Brian Monroe qui sont en train de faire la diffusion en même temps que nous. Je ne sais pas si on voit bien. Non, baisse. On est un peu sans mots, pour être honnête, en studio en ce moment. On est un peu sans mots. La nouvelle version semble vraiment bluffante. C'est très beau, très aérien. On a très hâte d'avoir ça. C'est quelque chose qui va être installé sur nos téléphones. Et on va vraiment sentir, en fait, qu'on vient de ça va prendre être une coche. Là. Bon, on regarde la caméra. Bonjour. Beaucoup de blanc un peu partout. On nous dit que le mot de passe de M. Ferenghi qui fait la démo, c'est 1, 2, 3, 4. Ah. On vient de voir Al Gore, qui est dans la salle. Le frère de... De qui? De Gore. Ah. Je sais pas. Pendant qu'on est sans mots et qu'on regarde la dernière version d'iOS. On va donner, en fait, la parole une dernière fois à Benoît qui doit nous quitter parce qu'on le rappelle, il y a les mystérieux étonnants. On est lundi. Il y a ce petit trou-là dans toutes les annonces d'aujourd'hui. Où est-ce que vous allez aller sur le site des mystérieux étonnants pour vous écouter en direct? Il y a mystérieuxétonnants.com. Sinon, il y a le Twitter que certains, d'ailleurs, ont commencé à suivre depuis la diffusion, qui est mystérieux E. J'aimerais ça rester parce que là, en fait, je suis allé à la salle de bain qu'ils ont montré le nouveau. J'étais en tabarnouche. Mais là, je dois y aller parce que j'ai mon podcast aussi qui va être diffusé en direct tantôt, donc à partir de 17h30. Merci de m'avoir accueilli. En tout cas, c'est vraiment beau ce que vous faites. Puis continuez, je suis sûr que... en tout cas, si le monde, comment je pourrais dire ça? S'ils prennent bien en note l'histoire dans les podcasts, dans l'idée du monde qui font leur propre diffusion, je pense que Mac Québec va avoir sa place. Donc, excellent! Hein? We made history! Ding! Donc, je vais y aller. Salut, bienvenue. À bientôt. Benoît. Oui? Bye. Tu t'en vas. T'as-tu ta sonnerie? Non, il s'appelle pas Jean-François, ça marche pas. Non. Faudrait se trouver une toune Benoît. Non, c'est quoi ma toune? Jean-François! Ben, pour ceux qui suivent, tout le monde en parle. Vous savez que quand ils ont eu... Quand ils ont eu deux Jean-François Jean-François Lisée, puis Jean-François, je sais plus trop quoi l'autre, ils ont mis une toune. C'était une toune des années 70 environ, puis ça faisait Jean-François. Puis là, je l'ai téléchargé. Donc, tu sais, j'ai mis ça comme sonnerie. On retourne au Mac. Calendrier a été refait. Message a été refait. Il y a beaucoup de gestures entre les apps, donc des gestes qui vont vous permettre de passer d'une application à l'autre. Vous glissez votre doigt dans le haut pour changer d'application. Donc, en fait, une espèce de trois doigts, un peu ce que vous avez sur le pavé de votre... sur le iPad, il y a ça déjà, que tu peux switcher d'application. Ouais, en glissant avec toute la main, là, les quatre doigts. Les là. Quatre doigts. Tu peux fermer aussi. Tu peux, JM, tu peux remettre la caméra. Ah, OK, on va la mettre là. Des dossiers qui les présentent tous les keynotes, hein? Oui, tout le temps. Mais c'est très drôle. Il y a eu un film, une parodie qui est sortie cette année à propos de l'histoire de Apple. Puis ça s'appelle iSteve, si je me trompe pas. Et c'est avec... c'est quoi le nom de cet acteur là qui a l'air de rien, inoffensif? Ashton Kutcher, l'autre film qui était plus drôle. Celui qui faisait les publicités de Mac. Justin Long. C'est ça. En fait, c'est drôle parce que c'est ce qu'il disait de lui-même dans... film. Vas-y. Puis, en fait, tout le monde aime Steve Wozniak, mais dans ce film-là, Steve Wozniak était dépeint par Early, par le gars dans le gros dans Lost. Mm-hmm. Et dans le film, il faisait semblant de ne pas l'aimer, en fait. Tout le monde n'aimait pas Steve Wozniak. On a perdu ta diffusion de ton côté. Oui, on vient de voir là, à l'écran, là, justement, il présentait l'application Mail. Ça ressemble vraiment à l'application Mailbox là, qui est sortie récemment et qui a fait parler d'elle à cause de la file d'attente là, de plusieurs semaines. Là. Alors, on glisse sur les messages. Ça va être malade. Mettons, quand on va installer ça sur nos iPhones, on va avoir un téléphone nouveau. Là. Oui, mais complètement. Complètement nouveau. Mm-hmm. Parce que là, on voit l'espèce de toggle switch dont il parle. Là-dedans, vous avez une switch pour le mettre en airplane, fermer le Wi-Fi, le Bluetooth, le mettre en ne pas déranger, donc activer et fermer. Mm-hmm. Le dernier icône, je vois pas qu'est-ce que c'est. On peut ajuster le brightness, on peut jouer avec iTunes, on a c'est pour verrouiller tout le contrôle la rotation, de AirPlay. Ouais. Ah, OK. Ouais. Donc, la rotation. Et on a même des applications dans le bas. Donc, je vois lampe de poche. Ouais. Parce qu'avant, il fallait comme télécharger une application de lampe de poche. Mm-hmm. Le deuxième, qu'est-ce que c'est? Ouvrir la caméra. Ouvrir la caméra pour partir le flash. OK. Le deuxième, ça serait... l'horloge. Oui, ça ressemble au logo horloge. Calculatrice, caméra. Mm-hmm. Et... Vincent nous écrit qu'ils sont en train de présenter, il y a du vrai multitâche. Ah, comme on parlait moi plutôt, il y a du vrai, là. Oui. Ben, elle va rouler en arrière-plan tout le temps, même si elle est en bas. Non, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de présenter deux applications en même temps. Ce qu'on retrouve sur BlackBerry 10 et sur Android. Ah. Donc, le fait de tweeter en regardant une émission diffusée live ou quelque chose comme ça. Donc, on sera plus obligé de mettre des... Le AirDrop, il est dans iOS 7. Oh, AirDrop. Donc, ça va être intéressant, ça. Oui. Ça va être intéressant. Donc, c'est ce qu'on parlait au début de la présentation. Est-ce que AirDrop va être dans iOS 7, effectivement? T'sais, moi, j'avais hâte à 10.9, mais m'a dit 10.7, là, il ramasse. iOS 7, là, il ramasse. On voit qu'ils font encore quelques efforts pour leur système d'exploitation d'ordinateur, mais ils mettent le paquet sur le système d'exploitation du téléphone. Oui, oui. Donc, finally, il y a des push triggers. Plus de détails sur ça en quelques secondes. Intelligent network condition. If there's good coverage, that's a great time to fetch data. Excellent. Apps update seems much more. On va avoir une image qui s'en vient. On dit... Great apartment. Donc, en fait, il va être au courant de... il est-tu en train de se recharger? Est-ce que la connexion Internet est au top? Puis si la connexion Internet est super bonne, c'est là qu'il va dire, OK, par les mises à jour, on va les recevoir très, très rapidement, plutôt que se retrouver dans un environnement là, où est-ce que la connexion Internet est plutôt mauvaise, puis à ce moment-là, de déclencher les mises à jour automatiques. iOS 7 analyse votre utilisation. Quand les notifications s'en viennent, les applications se mettent à jour dans le background. Donc, tu as des notifications d'email. Okay. Mais quand tu vas aller dans Mail, tes emails vont être arrivés et non pas, oups, tu attends une couple de secondes, puis là, toc, ça arrive. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, ils ont fait l'inverse. Ils ont attendu que le courriel soit là. Ils ont dit, bon, OK, il est là. Parfait. Je lance la notification. C'est bon, comparé. On va recevoir les notifications 1,3 secondes plus tard sur iOS 7 que sur iOS 6. Ça va être ça. Ah, tu penses? À cause de ça? À cause de ça, ouais. Mais à date, là, c'est pas fini, là. Ils montrent l'iOS 7, là. Méchante différence, là. C'est... Ils ont travaillé fort, là. Je m'excuse, là, mais... Ah, c'est Johnny Ive tout seul. Ils l'ont laissé, ils ont plugué un nouveau device sur la tête, puis il a juste pensé à ce qu'il voulait. Ah ouais. Ouais. On est en train de parler de Safari. Ils l'ont fait évidemment meilleur, parce que travailler sur un système puis le faire pire. Ça. Ouais, c'est ça. C'est Microsoft qui fait ça. Donc, un nouveau look plein écran. Vraiment focusé sur le contenu. Intégré avec iCloud Keychain. Donc, les mots de passe. Les mots de passe qui vont être comme... Tu vas avoir un raccourci. Je rentre mon mot de passe, il est dans le Keychain. That's it, c'est fini. Il t'attend. Oui. It's killing me. Ça veut dire que tous les mots de passe qu'on a rentrés dans One Password vont tout recommencer. Hey, j'ai une méchante base de données là-dedans. Là. Moi, je paye 50$ de plus pour qu'ils me mettent un conduit pour l'envoyer. Hey, j'ai du password dans ça. Là. Oh my God. Ils font maintenant une démo de certaines features. Il reste encore 25 minutes. Mm-hmm. Oui. Y a-t-il encore tant de choses que ça qu'ils peuvent annoncer sur le iOS? Y a-t-il un one more thing? La date de lancement. Il va y avoir deux, trois features mineurs. Ouais, parce que là, ils n'ont pas donné le 20$. 20$! Attends, je l'ai. 20$! 20$! 20$! Ah, j'aimerais ça pouvoir peser comme 3-4 fois. Non, c'est correct, on l'a compris. Ah, merci. La semaine prochaine, je le mets dans une application de DJ, m'a scratché ça. Scratch. Là, ça a l'air qu'il y a un démo de Safari en cours, là. Peut-être une belle fonctionnalité avec le password inclus. Vincent nous dit que c'est la navigation des pages Safari ouvertes, un peu comme l'effet Coverflow, qui a été revampé et qui fonctionne un petit peu à l'envers. Donc, description, on verra bien. Mais s'ils ont vraiment fait comme One Password, là, je m'excuse, c'est une super méchante compagnie canadienne, c'est super bon cette compagnie-là, mais... S'ils tombent dans le monde de iOS puis dans le Mac, là, ou ça, là, ils vont. Ben, ça, en fait, tu sais, on parlait en début d'émission des widgets. Confabulator avait sorti quelque chose qui avait été racheté par Google. Qui tu sais, les widgets existaient avant que Apple les mette dans son système. À partir du moment où Apple les a mis dans son système, il y a comme. Tu sais, les widgets étaient développés par des Mavericks. Ouais. des gens un peu en marge. Et l'affaire avec ça, c'est qu'ils aimaient bien développer ces petits trucs-là. À partir du moment où c'est devenu mainstream, on dirait que l'intérêt est un peu tombé. Puis là, on nous parle en fait de widgets sur des cellulaires, mais on s'en fout un peu. Mais j'ai une question pour toi, de toi qui travailles avec les Mac à la journée longue. Est-ce que tu savais que tu ne pouvais pas ouvrir plus que 8 tabs dans Safari pour mobile? Non. Ben, moi non oui, plus. Oui, je savais. Ah, ben, puis maintenant, ça, tu peux l'ouvrir. Autant que tu veux. Autant que tu veux. Ils l'ont enlevé, ça. OK. Fait qu'ils ont vraiment amélioré la Mais ça paraissait pas parce que ça remplaçait automatiquement comme la table. Ouais, la c'est récente, ça. Ben, moi, je me dis, franchement, j'ai jamais ouvert 8 tables dans mon. Ouais. On voit une icône AirDrop, donc pour l'envoi des changements de table à la Windows Vista, il fallait oser. Mm-hmm. Il y a Ibiwa qui est sur le chat et qui défend becs et ongles pour avouer au moins que le look est assez bluffant. Moi, j'aime beaucoup. Les images projetées sur iOS 7 pourraient peut-être être le nouveau iPhone. Non. Il n'y a pas de nouveau iPhone. Là. Non, il n'y a rien d'annoncé. Puis Apple ne fait pas ce genre d'erreur-là. Fait pas... le nouveau iPhone, c'est septembre prochain. Ouais, exactement. Ouais. Mais moi, c'est vraiment la version AirDrop que j'ai vraiment hâte d'essayer. Ouais. Ça risque d'être assez intéressant. Voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec. Là, c'est juste transférer. Parce qu'on sait que l'accès comme au système de fichiers là, dans iOS est très limité. Et très fermé. Inexistant, ouais, c'est ça. T'es... À moins que tu sois jailbreaké. Ouais. Mais sinon, tu peux pas. Tu peux pas rien faire là, avec le système. On va pouvoir partager avec plusieurs personnes en même temps. Partager quoi? Des fichiers. OK. Mais avec, tu sais, plutôt que faire, OK, je te l'envoie. Dans je te le même réseau? Ouais, ou AirDrop. On est tous dans le même réseau. Okay. Je vais t'envoyer un document. Je te sélectionne dans mon carnet d'adresses. Je sélectionne les 3-4 autres personnes et je l'envoie aux personnes en même temps. C'est quand même très intéressant. C'est supporté sur le iPhone 5, 4e génération iPad, iPad mini et 5e génération iPad, iPod Touch. Bon, ben, Bernard. Je vais être obligé de me. Je vais être obligé de changer. Attends, mais. Changer beaucoup de choses. Ça, voilà. C'est tous les appareils dernière version. Ouais. OK, OK. Pour ce qui est de la fonction AirDrop. Ah, c'est ça. Ils ont fait la même affaire. C'est pas iOS 7, là. C'est ça. Ils ont fait la même affaire avec les Mac. Exactement. Je m'attends à ce que mon iPad 2 soit pas supporté. C'est bizarre, là. C'est comme. Moi aussi. Dans iOS 7, iOS 7 en général. Moi, j'aurais pensé, à cause du iPad mini, que le iPad 3 au moins aurait été supporté. Tu sais, le iPad. Ouais, pour AirDrop, là, ouais. Mais c'est 4e génération iPad. Il y a beaucoup de monde qui dit sur Twitter, sur mon feed à moi, là, que le AirDrop pour iOS, là, c'est gros. C'est un gros feature, je pense. Oui, oui, ben c'est ce qui remplace le NFC. Là. Oui, ça, puis le Dropbox aussi. Oui. Pas tant, mais une partie quand même. Là. En fait, Dropbox va pouvoir intégrer cette fonction-là. Ils vont pouvoir faire du partage local. De fichiers là, tu sais, se connecter à Dropbox. Mm-hmm. Mais ça, est-ce que mettons, là, je veux te partager à toi un point DMG, je vais-tu pouvoir? Est-ce que sur Dropbox? Ouais, non, mais sur iCloud, sur le AirDrop, j'ai hâte de voir. Sur iCloud, on peut pas mettre les fichiers qu'on veut, on peut le mettre dans iMessage par exemple. Ouais. Dans iMessage, tu peux mettre ce que tu veux comme fichier qui est reconnu normal. Mm-hmm. Mais là, il parle de la nouvelle caméra. Il parle d'une application caméra. Là. Je sais pas trop. Là. Je vois ça passer. Là. Oui, ils sont en train de parler effectivement de ça. Je suis en train de regarder ce qu'ils disaient sur le Twitter. Au niveau de l'appareil photo, moi, honnêtement, là, je commence à être tanné. J'aimerais ça que toutes les photos soient dans le cloud, honnêtement. Pas juste les 1000 dernières. Il y a eu... C'est bon. Je pense qu'il y a eu une erreur sur la page. Non, c'est revenu. Le feed a peut-être un petit peu de misère là, au niveau de YouTube, peut-être. Ou c'est peut-être ici. Bon, c'est revenu. 138 à regarder. Excellent. Écoutez, nous, on est en studio vraiment très, très enthousiastes par rapport à iOS 7. On aimerait savoir vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que on ce prend sont... des appels. On pourrait. On pourrait. On prendre des appels, oui. On pourrait prendre des appels. On va ouvrir les lignes. Vous pouvez nous rejoindre au 1-877-561-2357 partout en province. On fait ça aujourd'hui, mais on fait ça à tous les shows des amateurs de Mac Bonsoir où vous pouvez nous contacter. Et on répond à vos questions en ligne. Ou on prend vos commentaires. On prend vos commentaires aussi. Est-ce voilà. que vous aimez le nouveau iOS? Est-ce que vous aimez bien le nouveau MacBook Air? Qui d'ailleurs va passer l'autonomie de batterie? J'ai lu que va durer environ 9 heures. 9 à 12 heures. Ouais. Est-ce qu'ils ont changé la taille? Est-ce qu'ils ont joué avec la taille? Ils n'en ont pas parlé. Hein. Je pense que c'est exactement le même casing. On a un appel. Oh. On appelle, on va mettre... Non, on testait... On testait. OK, d'accord. C'est Jean-Michel, il était arrivé pour pouvoir parler. Il nous appelait. « Hey, je veux parler. » Donc, on testait. Donc, on rappelle le numéro. Malheureusement, est-ce qu'on l'a pas loin? On peut-tu le diffuser à l'écran? Le gros numéro? Je vais vous en faire un. Excellent. On va pouvoir vous mettre ça en onde dans quelques secondes. On peut le rappeler. Le 1-877-561-2357. Partout en Amérique du Nord. Même à San Francisco. Même à San Francisco. Wow! Ah, je pense que Vincent vient de nous avertir d'un feature qu'on attendait depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on pense, mais partage via d'autres personnes dans un photo stream. Oh my God, ça c'est exactement. C'est indiqué là, sur l'autre écran. Les gens peuvent ajouter des photos à un photo stream qui leur a été partagé. Bon. Et donc, juste regarder. Et ça supporte même le partage de vidéos maintenant. Ah. It's about time too, oui. Ce que je lis, c'est que c'est vraiment le iOS 7 qui est seulement pour. C'est pas juste certaines fonctionnalités. Fonctionnalités, c'est iOS 7 au complet. C'est le iOS 7 seulement pour le iPhone 5, iPad 4e génération, iPad mini, iPad Touch 5e génération. Youch! Aïe aïe! Ça, c'est pas drôle, par exemple. C'est pas drôle, là. Ça, parce que là, vos iBuduls sont toutes finies, c'est ça, là. Non, moi, je suis sur iPhone 5 puis iPad 4. Ouais, j'ai sais, mais iPad lui, mini. Lui, non. Moi, il faut que je change tout. Ouais. Lui non plus. Lui non plus, hein, son iPhone, mais pas son iPad. Ça fait du stock à changer. On parle de Siri qui va devenir utile. Je dis ça de même. Enfin! Moi, by the way, on rit beaucoup sur Siri, mais moi, il m'est hyper utile. Ça fonctionne très bien. On a un appel? Ouais. On va le prendre. Hein? C'est parti. Bonjour, à qui je m'adresse? Est-ce qu'on l'entend? Allô? Allô? On va regarder sur à qui je m'adresse? On regarde si c'est pas sur mute. Okay, ah, c'est parti. Okay. Oui, allô? Ah. Oui? Bonjour, à qui je m'adresse? Yann Thériault! Salut Yann, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, le podcast envahisseur. Yann, est-ce que t'es content d'abord des annonces d'aujourd'hui? On t'a pas parlé d'iTunes, là. Oui. Non, il n'y a pas grand-chose pour se libérer d'iTunes là-dedans. Non. Il y a de l'air d'avoir beaucoup de tape à l'œil. Ben, c'est ce qu'on attendait, en fait. Il y a beaucoup de gens qui demandaient à ce que il y a eu des changements majeurs au niveau de l'interface, puis on savait que c'était Johnny Ive qui prenait le bâton pour ça, là. J'ai pas entendu rien pour les utilisateurs d'iPad, par exemple, au niveau de créer des utilisateurs. Ça a-tu été annoncé? Non, pas encore, effectivement. Ça reste à annoncer. Est-ce qu'il aurait passé par-dessus? Non, ils ont parlé du multitâche, ils n'ont pas parlé de multi-utilisateur, ce qui serait vraiment très, très chouette là, d'avoir... Oui, ça, c'est une fonction, oui, effectivement, qui serait manquante. Là. Tout ce qu'on a vu à date, c'était juste présenté sur un iPhone. Quand il y a un papa, là. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il aille dans ton... Oui, on sait qu'est-ce que tu laisses ouvert comme onglet. C'est correct. Oui, c'est ça. Il y aurait ça qui réglerait mon problème, ou... Si Tumblr ouvrait pas sur nos abonnements, je dirais qu'en ouvrant l'application. Aussi. Faudrait. Mais là ton problème, c'est que Safari va ouvrir beaucoup plus d'onglets. Là, on t'arrêtait à 8, mais là, tu vas pouvoir en ouvrir là, illimité. Dis-moi, est-ce que tu as un iPad 4, toi, Yann? Moi, je suis sur le 5. iPhone 5. Oui. OK. Écoute, iOS 7 va être compatible avec ton appareil, mais ce qu'on lisait sur Twitter par Pascal Forget, qui est là-bas, c'est que c'est l'ensemble de iOS 7 qui serait fonctionnel uniquement avec les derniers appareils de Apple. Donc, iPhone 5, iPad 4, Mac Mini, iPod Touch 5e génération. Donc, on fait un peu table rase sur tout ce qu'il y a eu avant. Les gens qui, encore cette année, se sont achetés des iPhone 4S laissés pour compte. Là. D'où peut-être la rumeur qu'Apple va reprendre les anciens appareils pour en acheter des nouveaux. Peut-être qu'à ce moment-là, ça fait du sens. Effectivement, c'est intéressant, ça. C'est quoi l'intégration de Dropbox? J'ai pas compris ce bout-là. Il y a une fonctionnalité sur Mac qui s'appelle AirDrop qui est disponible seulement pour les quelques dernières générations de Mac parce qu'il faut que ce soit une technologie spéciale dans la carte Wi-Fi. Et c'est une technologie en fait qui facilite le partage entre deux ordinateurs. Mais à partir du moment où tu mets cette fonctionnalité-là dans ton iPhone, c'est que tu peux facilement partager des documents entre ton ordinateur et ton iPhone ou entre un iPhone à plusieurs iPhones. Donc, quand on parlait, par exemple, sur Samsung, que c'était super facile de partager des données avec la puce NFC, ben cette nouvelle fonctionnalité-là, AirDrop, va permettre de le faire entre appareils iOS et il y en a quand même, comme on disait tout à l'heure, 100 millions d'appareils iOS vendus. Ouais, c'est ça. Donc, 600 millions d'appareils iOS qui vont pouvoir se partager des données. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est les dernières versions. Là. Fait que c'est pas mal moins que ça, mais quand même, qui vont pouvoir se partager des documents ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se déboulent présentement. On parle beaucoup de Siri, nouvelle interface, nouvelle voix très fluide en français. Y a-tu des affaires, Yann, que t'es pas content? Ben, je suis juste pas content qu'on s'est pogné à court avec iTunes. Je vais aller m'asseoir avec toi et je vais te montrer comment pas l'utiliser. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé iTunes. J'ai trouvé des logiciels alternatifs pour mettre ma musique et tout ça, mais En fait, ce que je voudrais, c'est de la bonne volonté de Apple de vouloir sortir de là. iTunes, là, ça peut rouler. Ils pourraient tout mettre l'interface de iTunes là, dans un browser, puis on pourrait tout faire ça par un browser. Je comprends pas pourquoi qu'on traîne en cause ce gros logiciel débile. Parce que Apple n'est pas bon à faire des logiciels dans les browsers actuellement. Ils vont faire le test avec probablement leur plus petit logiciel avec iWork et éventuellement, ils vont peut-être aller vers ça. Il y a, comme Bernard le disait, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Ouais. On te remercie beaucoup pour l'appel, Yann, puis on se reparle. Yes, OK. Salut, bye. Donc, pour continuer sur Siri, on a Wikipédia intégré. Excellent. On a la recherche qui va se faire via Bing. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche sur Bing? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche là-dessus? Bon, une nouvelle entente. J'imagine qu'on veut sortir Google de la recherche. Ah oui, oui. OK. iOS dans l'auto. Oui. Donc, on en a parlé quand même pas mal cette année. Apple qui a fait des annonces d'emploi pour des gens spécialisés en interfaçage avec les véhicules. Donc, ça risque d'être pas mal intéressant parce qu'à date, les solutions proposées, il n'y a vraiment rien de parfait. Là, ce qu'on vient de manquer, iRadio. Ouais, on vient iTunes de le manquer. Radio, ouais. Ils viennent de le changer. Là, ils passent à iTunes Radio. iTunes Radio. Ça fait du sens pour écouter iTunes Radio dans ton auto. Oui. Parce qu'il y a 12, on parle de 12 compagnies, environ 12 compagnies disponibles. Moi, ce que je trouve intéressant avec une intégration dans les autos, on a parlé beaucoup, parce qu'on est podcasteur, puis on est beaucoup sur la scène des podcasts, et on dit souvent, parce que ça arrive combien de fois que vous dites « Ah, je fais le podcast pour Mac Québec », puis le monde font « C'est quoi un podcast ?» Donc, c'est quoi, pas tu fais de la radio? Ouais, c'est ça. C'est pas démocratisé. Et on a parlé qu'une des solutions, en fait, cette année qui se développait, c'était Stitcher, qui allait être intégré dans les autos. Mais là, Apple, Stitcher, ils vont avoir des croûtes à manger parce que si Apple s'intègre comme ça dans les autos, ça veut dire que nous autres, on arrive dans les autos. Mm. Yeah! Ben, vous autres, pas moi. Hein? J'ai pas de char. Non, mais tu parles dans le micro, là? Ouais, ouais. Ben, c'est ça. Tu vas te retrouver dans le char du monde. Ah, ben, ouais. C'est tu vas faire du trafic fois. Ouais, ouais. 1000 millions d'auditeurs. Pour revenir à iTunes Radio. Oui. Ouais, donc la fonction serait intégrée à l'application Music ou Music, iPod. Et puis, ça serait accessible en appuyant sur une touche. Puis ça nous permettrait de découvrir là, des stations qui auraient été créées par Apple ou de la musique là, à l'unité. Là, ça est-ce, qu'on aurait accès détails, à... là, est-ce qu'on aurait accès à radio sur iTunes? Sur ordinateur? Pas radio. Pas radio. iTunes Radio. C'est iTunes Radio. Okay. Mais tu sais, il y en a déjà eu une radio dans iTunes. Pis, mais t'es encore là. On s'en sacrait un peu. Je l'écoute, moi. Quoi? Ben tu sais, c'est les postes de radio web intégrés dans... Ouais, mais c'est... Ouais, je les mais écoute ça, encore, ça, c'est vraiment un peu à la Spotify puis un peu à la radio. Tu peux choisir ta musique, là, vraiment. Là, tandis que les postes de radio intégrés dans iTunes, c'est comme si j'arrive dans mon auto puis je le mets là, au 97.7. Là, c'est okay. La musique qui joue là, à ce moment-là. Pis ça te permet de partager les liens. Donc, j'imagine que quand tu as trouvé une bonne station, tu peux la partager à quelqu'un. Ce que j'ai vu, c'est que tu peux créer ta station. OK. Donc, on pourrait créer ces stations, choisir les musiques qu'il y a dedans. Puis on s'entend que la bibliothèque de musique de 15 millions de chansons d'Apple, c'est pas dépourvu d'intérêt. Là. C'est ça. Donc, c'est comme un mix de Spotify, de Pandora, puis de radio. Là, on peut dire qu'on aime une chanson. Donc, Apple va en faire jouer... D'autres semblables. Similaires, ouais. Moi, le concept à la base de partager un lien, je veux dire, Jean-François, c'est un bon chum, on se connaît bien, j'ai aucune maudite idée de c'est quoi ses goûts musicaux. Même chose pour Bernard. C'est vrai, ça. Je m'en fous. C'est vrai, je veux dire, t'es pas mon ami parce que tes goûts musicaux. Ouais, c'est ça. Mettons, j'écoute Ginette Renault, là. Toi, ça te tente pas. Ben là, je le sais, tu sais, puis probablement non, tu vas faire favorite, je vais le savoir. Ouais, non, mais c'est ça. Je donne un exemple comme on ça. On va redealer les termes de notre amitié. Ouais, c'est ça. iTunes Radio est gratuit avec des publicités durant l'écoute, mais ce serait sans publicité pour ceux qui sont abonnés à iTunes Match. Oh! Hey, c'est disponible aux États-Unis seulement. Ah, bon. Et dans d'autres pays, là, dans le futur. Mac et Apple TV aussi. US only. Hey, Jamie, il n'y a pas de frontières sur l'Internet pour Jean-Michel. Ouais, c'est ça, tu nous assèreras ça avec VPN. La recette pour avoir iRadio disponible dans 2 semaines au sur podcast. iTunes Radio. iTunes Radio. Audio only Wi-Fi count. Je ne sais pas c'est quoi. Je vois ça passer. FaceTime audio haute qualité. Pour en revenir à Siri, ils vont jouer Siri va jouer maintenant les messages vocaux. Bluetooth. FaceTime audio only. Qui est, c'est bon parce que nous autres, on se parle, moi et Alexis, toujours en FaceTime, mais des fois, ils voient ma poche ou ils voient. Non, mais c'est vrai, ma poche de pantalon, là, je parle. Ça demande des explications. Et toi, le toit de mon auto? Ouais, genre, là. Ouais. Ben, c'est vrai. Ou ton siège, parce que tu le sens. Ça aurait été super utile aujourd'hui, en fait, parce qu'on aurait fait le FaceTime avec Vincent. Exactement. Ça aurait passé seamless, tout ça. Ça aurait été intéressant. Attends, je viens de voir quelque chose d'intéressant. Per app VPN. Ouais, c'est. Tu peux expliquer? Oh! Donc, ça voudrait dire que quand, mettons, je lance Pandora ou Hulu Plus sur mon iPhone, le VPN se connecterait. Ouais. Ça veut dire ça. Donc, tu peux choisir quelle application va démarrer ton VPN. C'est ça. Ouais. C'est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. Bouge là. Pas. FaceTime and message blocking. Hein? Donc, FaceTime and tu peux bloquer le FaceTime, bloquer les utilisateurs sur FaceTime. OK. Improve mail search. It's about time. Donc, des meilleurs search. Inclinometer. Ça va être pour l'effet 3D, là, probablement. Là, ouais, voilà. Les MMS, le support des MMS longs. Donc, plus que 180 caractères. 180, 190, je pense. Non, pas de même. Il y a quand même beaucoup de choses, là. Qu'est-ce qu'on a? New Smart Mailbox. Ouais. Mais le Smart Mailbox, on l'a déjà? Ouais, mais j'imagine que ça va être un peu à la Mailbox app, là, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut le classer à lire, à voir plus tard. Rappelle-moi dans 30 jours, là. Les achats licenciés sur le App Store directement. Donc, App Store License Purchase. Ah, OK. Quand on a une entreprise. On va pouvoir, à distance, bloquer la réouverture de l'appareil via Find My Phone. Également. On peut le déjà, non? Qu'est-ce que... On peut wiper ou changer le mot de passe seulement. Oui, mais on ne peut pas l'empêcher de réouvrir. Si la personne là, va avoir son iPhone, là, s'il l'a volé, là, il ne réouvre plus. OK. Ça, c'est vraiment... OK, parfait. Wi-Fi Hotspot 2.0. Oh, c'est quoi ça? J'ai d'avoir ça. Oui, moi aussi. Parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Hein? Non. C'est... App Store Volume Purchase. Oui, on vient de le mentionner. Volume. La distance permet de bloquer. Plus de 1500 nouvelles API. Ça, c'est comme la nouvelle qui intéresse notre ami Vincent. La version de iOS 7 en bêta aujourd'hui pour iPad plus tard. À la fin de la semaine. Et, iOS 7 will be available for iPhone 4 et plus, iPad 2 et plus, iPad mini, 5e génération iPod Touch. OK, donc ce n'était pas une... C'était la vraiment fonction juste AirDrop qui était disponible. Pouvez-vous réécrire, s'il vous plaît, à Pascal Forget pour lui dire? Écris-y, toi. Ouais. Donc, c'est similaire à ce que iOS 6 supporte, là, présentement. Ouais, même beaucoup. Là. Donc, Few. Il y a juste les vieux iPod Touch là, qui sont pas supportés. C'est juste l'iPod Touch de génération là, courante. Là. Ouais, c'est ça. 1500 new API. Donc, pour Max Tremblay, dont sa blonde était déçue que son iPad mini ne pourrait pas recevoir le iOS 7, ça ne sera pas le cas. C'était clair. Là. Elle peut se rassurer. On se disait tantôt, il restait combien de temps? Il restait 25 minutes. Là. Ouais, il n'en reste plus. Il en reste temps, deux. C'est fini. Merci, bonsoir. Ils sont en train de faire le wrap-up, en fait. C'est ça. Ouais. OS X Mavericks, MacBook Air, des nouveaux Mac Pro, iWork. Il y a du stock quand même, hein? Ouais. Très logiciel, le MacBook Air qui a été mis à jour. Oui, Mac Pro. Le Mac Pro qui a été annoncé. Ils n'ont même pas annoncé les MacBook Pro. Hein? Ils n'ont pas annoncé les MacBook Pro as well. C'est bizarre, ça. À moins qu'ils n'en ont pas parlé puis ils vont les mettre tout de suite sur le nouveau. Ouais. Ils vont faire un petit événement juste pour annoncer ça. On parle aussi des nouvelles bandes AirPort puis Time Capsule également. La nouvelle norme AC. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une date de lancement qui est annoncée pour iTunes Radio? Ça va venir avec iOS 7, probablement. Oui, c'est certain. Ça sera pas, pourtant, il y avait comme un genre de rush pour la signature des licences avec les compagnies de disques. Pour moi, ça va être disponible dans la bêta. Ouais. On va voir ça un peu plus tard cet après-midi. C'est Steve Jobs qui faisait des One More Thing. Ouais, il n'en font pas. Puis après-midi, ils ont annoncé pas mal. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est intéressant. Ça remet Apple au niveau avec les fonctionnalités des autres. Et je pense, en fait, C'est sûr que je suis pas totalement objectif là-dedans, mm-hmm. mais je pense que cet événement-là est beaucoup plus excitant que ce que Samsung a pu annoncer avec son S4, ben d'abord. Ouais. On s'entend-tu que la mise en scène du S4, oui. c'était mais, assez poche? Attends, à la charge de Samsung, c'est un appareil qui présentait, et là, ce qu'on présentait, ce sont des logiciels. C'est un petit peu malhonnête de ma part d'avoir comparé les deux événements, mais bon, Apple a la chance de faire et le logiciel et l'appareil. C'est sûr que c'est en septembre, quand on va voir le nouveau iPhone, qu'on va pouvoir comparer les deux événements oui. et les nouvelles fonctionnalités. Ce qu'on a vu aujourd'hui sur iOS 7, c'est une partie des fonctionnalités. Ah oui, il y en a plein d'autres. Et il y en a plein d'autres qui vont être annoncés quand ils vont annoncer le nouveau téléphone, parce que c'est lié au oui. logiciel oui. Du téléphone. Mais beaucoup de choses qui vont nous faciliter la vie. Je pense entre autres à iCloud Keychain, oui. qui est vraiment très, très intéressant. Beaucoup d'ouvertures, en fait. Ils ont travaillé beaucoup sur iCloud. Ils vont travailler beaucoup encore. Un petit peu déçu de pas avoir vu quoi que ce soit sur iLife. J'aurais aimé ça voir quelque chose de la part de Apple pour iLife. Ça commence ouais. à ah ouais. les gens nous demandent des solutions autres que iPhoto. D'ailleurs, Adobe en a profité et c'est ouais. disponible sur Lightroom. L'App Store. Il y a Lightroom qui est 5, disponible. Ouais. Est-ce que tu es disponible sur l'App Store? Non, pas encore sur le site. Creative Cloud. Je vois encore sur ma timeline de Twitter, il y a encore du monde qui voudrait un One More Thing. Tu sais, c'est nostalgique, que, c'est cool. C'est ouais. ça, nostalgie. Il y a encore du monde qui parle de ça. Fait que... Ça serait quoi votre One More Thing? La montre? Ah, ou la ben montre. Oui, on n'a pas parlé de montre. Ils n'ont pas parlé de montre. On n'a pas parlé de montre. Elle n'est pas prête. By the way, pour tous ceux qui n'auraient pas eu la nouvelle, il y a eu une publicité qui est sortie il y a quelque temps à propos du iPad, si je ne me trompe pas. Et un des utilisateurs avait une montre qui était d'un look un petit peu, un petit peu spécial, ouais. qui était noir, très carré, qui pouvait avoir un look un peu Apple, quoique Apple n'utilise plus une matière polycarbonate noir mat. Si vous allez sur Amazon, la montre, c'était une montre de Dolce & Gabbana qui vaut autour de 150$ et qui est une montre tout ce qu'il y a de plus normal. C'est le design qui flashait, mais c'était pas du tout... C'était pas du tout un tease de la part d'Apple. Peut-être qu'ils se sont amusés et qu'ils ont dit « Tiens, on va la mettre là, mm-hmm. ça pourrait ressembler ou ça pourrait être l'inspiration pour une montre, mais pas plus que ça. » C'est drôle de regarder... Les Apple Store sont revenus en ligne. C'est drôle de regarder les cours de la bourse au fur et à mesure que la conférence se déroule. Comment aussitôt qu'on a dit « Conférence finie », l'action a redescendu. Donc, on dirait que les gens, les investisseurs attendaient un petit peu plus. On dirait qu'ils les investisseurs quelque chose. Savent pas qu'est-ce qu'ils attendent en fait parce que c'est pas mal tout ce qu'on s'attendait. C'est des fonctionnalités. Puis en fait, c'est un peu virtuel tout ça, c'est-à-dire que c'est du logiciel et c'est quand on va l'utiliser jour après jour qu'on va vraiment voir qu'est-ce qui peut nous aider là-dedans. Il y a un paquet de fonctionnalités. Ils viennent de régler le problème de mot de passe. Là. Je veux dire, c'est pas banal de fixer ça. Ils ont déjà un outil qui génère des mots de passe dans macOS X. Ils vont probablement avoir quelque chose qui va ressembler à ça du côté de iOS éventuellement. Mais ils viennent de régler le problème de mots de passe que tout le monde a. C'est zéro ouais. banal. Là, ouais. Je veux dire, le nombre de personnes qui nous disent « Ah, les mots de passe, on s'en souvient jamais. » C'est fou. Ils ont trouvé une manière assez simple et assez triviale pour qu'on puisse échanger des documents. Qui c'est qui vibre? C'est moi, c'est ça, c'est la table. C'est moi, c'est la table. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime là-dedans. Le look de iOS 7 est acheté par terre. C'est fou. On va voir. Gauthier 002 qui nous dit « Je prierai le Seigneur que ce soit compatible iPhone 4S. » Seul l'est. Donc, vous allez pouvoir l'installer. La fonction AirDrop a clairement été spécifiée qu'elle ne fonctionnerait pas sur les appareils plus vieux, mais tout le reste de iOS, puis peut-être deux, trois petites choses. C'était déjà le cas pour des appareils iMac d'une certaine génération. D'autres appareils fonctionnaient. Bon. Donc, les portables aussi. Donc, fait que je suis en train de vérifier sur le Apple Store. Les bornes AirPort sont maintenant disponibles. Sont disponibles, bonne nouvelle. 199 pour l'extrême. Canadien. Okay. Oui. Au Canada, peu, là, ouais, ça? Ben, c'est canadien? Non, c'est .ca? Non, c'est pas .ca, attendez. Va chercher sur .ca. Je vais aller chercher .ca, puis je vais vous dire ça. Ce qui est... On est tous en train d'aller plus cher. 199 canadiens, okay. Le Extreme. Et la Time Capsule est encore en deux modèles. La 2 TB à 2,99 et la 3 TB à 399. Okay. Faut faire attention quand vous allez aller sur le App Store. En fait, le gars s'est probablement trompé parce que les deux MacBook Air 11 pouces me semblent inversés. C'est-à-dire que on commence par le plus cher et ensuite c'est celui à 999. Tu as quelqu'un qui veut avertir à Apple qu'ils se sont trompés, puis ça a qu'il le gars dehors. Ah, ben oui, ils se sont trompés de bord, ben oui. Effectivement, donc ça commence à 999, même prix qu'aux États-Unis. Pas besoin d'utiliser un VPN pour t'acheter un nouveau Mac. Hein? Ouais, c'est pas pire. Hein? Les bornes, tu disais, c'était quoi pour le 2 Tera, 3 Tera? 2,99, ouais. 2 Tera, puis 3,99. 3 Tera. Apple a un peu le beau jeu là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont plus obligés de se battre au niveau de leur modèle. Ils offrent du flash, fait que les time capsules deviennent encore intéressantes parce que à augmenter un disque dur HD puis avoir un 1 TB, t'achètes deux Mac, c'est clair. Tu fais deux backups, c'est clair. C'est fini. Mm. Alors que là, avec des disques SSD qui sont beaucoup plus petits, les gens vont avec du disque dur externe, ils vont avec d'autres solutions, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans les nuages. Fait qu'à ce moment-là, on a besoin de moins d'espace et la Time Capsule devient plus intéressante pour plus d'ordinateurs dans une maison. Les MacBook Pro n'ont pas été mis à jour. Juste dire comme ça, là. Non. Ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas été mis à jour. Pas de processeur Haswell dedans, alors que ça aurait grandement avantagé le truc. Mais ils ont quand même été mis à jour il n'y a pas grand temps, là, je veux dire. Tu sais, la mise à jour date de... Le MacBook Air aussi, la dernière mise à jour a été mise pour les derniers processeurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, il y a eu un MacBook Air, MacBook Retina qui est sorti entre Ivy Bridge et maintenant. On vous invite, en fait, on peut remettre, si tu as le tag du téléphone, tu pourrais le remettre. On va prendre quelques minutes, si vous voulez nous appeler au 1-877-561-2357. C'est ça. Excellent. On commence à le connaître par cœur, ouais. C'est le fun. Après presque deux mois. Donc, si les gens veulent nous donner leurs commentaires, nous appeler pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir... qu'est-ce que eux s'attendaient de la dub et tout ça. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Est-ce que le numéro de téléphone est en ligne, Jeff? Je suis en train de le mettre. Excellent. Si Vincent, vous pouvez essayer de nous appeler maintenant que la conférence est finie. On va essayer de l'appeler, lui. Nous, on va essayer de l'appeler. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tweets qui ont été faits pendant le... Il y a 93 tweets qui ont été générés pendant l'événement. C'est beaucoup sur le compte de Mac Québec. On remercie tout le monde qui ont participé, les gens qui nous ont regardés. On est encore 106 en ligne. On vous remercie. On est lundi. Il est 3h08. Il est 3h08, ça fait 4h que vous êtes avec nous. Donc merci beaucoup. On espère que vous nous écoutez d'une oreille et on met la pression sur Jean-Marc. Le podcast va être disponible en audio très très très rapidement. Pas si rapidement que ça, mais pas pire rapidement. Après la diffusion, on reste encore quelques minutes en ligne si vous voulez nous appeler pour avoir vos commentaires. On vous rappelle en fait que la diffusion d'aujourd'hui est rendue possible grâce à la collaboration d'un paquet de commanditaires. Donc, on pense à ClickPom qui nous a accueillis dans leur bureau, à Vidéo et Boutique Sex Plus et leur nouveau concept Sex Plus Party. Qui ont voulu nous encourager à aller à San Francisco. Quapucam pour le prêt de matériel et l'encouragement tout au long de l'année. ReptileTech pour le support incroyable pour le site web. Il n'y a rien que planté. En fait, je pense qu'on a été plus smooth que Apple. Ouais, je pense que ce qu'on l'a regardé sur le web, ça plantait à tout bout de champ, pas nous. Production extrême. pour le swag et Pascan pour les billets d'avion. On remercie aussi Rogers qui nous ont donné un bon coup de main et les gens en fait de Final Cut Montréal, maintenant le front créatif professionnel, fond créatif de Montréal, mm-hmm. pour tous les petits hints qu'on a eus. Et ils ont rediffusé aussi notre feed vidéo sur leur site également. Ouais. On les remercie beaucoup pour ça. Et évidemment, Telestream pour le Wirecast. Ouais. Je pense que it's the way to go. À partir de maintenant, en fait, c'est le type de qualité que vous allez avoir. Je vous annonce en fait que c'est la dernière épisode de l'année. C'est le dernier épisode. Dans les bonnes mœurs, dans la bonne gestion des podcasts, il est dit qu'on doit terminer les saisons. C'est donc le dernier épisode. Et ce qu'on va faire en fait, parce que c'est sûr qu'on va s'ennuyer les uns des autres jusqu'à septembre, on va probablement essayer d'organiser une espèce de... Un Mac barbecue. Ouais, mais on a trouvé où aussi hier? Où ça? Non, je peux pas le dire. On verra. On va voir si c'est possible. On va voir si c'est possible. Et suivez-nous sur les différents médias sociaux. On va vous annoncer ça. Puis ça va probablement être quelque chose. On va vouloir vous voir en live, manger des hot dogs, tout ça. Donc, puis vous viendrez à la marche en utilisant l'application de Valentine pour vous gagner une poutine. Ben oui. Messieurs, est-ce que on n'a pas eu de téléphone? Non. Les commentaires. On vous laisse aller sur nos différents canaux de communication. Je vous les redonne une dernière fois. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuebec ou en laissant vos commentaires dans la section podcast du site macquebec.com. Excellent. J'aime ta voix, Bernard. Merci. On est en train d'essayer encore une fois de rentrer en communication FaceTime avec Vincent pour avoir ses impressions, avoir un petit peu le feeling de la salle aussi. On a eu beaucoup de difficultés. Pourtant, on avait des plans de contingence et de contre-contingence. Mm-hmm. Si on n'arrive pas à le rejoindre, on va le rejoindre dans la soirée, on va enregistrer la conversation, puis on va le rajouter à la fin du podcast. Mm-hmm. Fait que ça va être plus simple de même, parce que là, je pense pas que ça rentre. Il est peut-être même pas encore sorti de la salle de conférence. Il est peut-être même pas sorti encore de la salle de conférence. Fait que je pense que ça va être la meilleure idée qu'on va le rappeler, puis on va y faire une entrevue, puis on va le rajouter à la fin du show. Genre comme là. Ouais. On le met là. C'est mon cue. Ouais, ça, c'est ton cue. On le continue après. Tiens, clap. C'est ça. Et voilà. N'importe quoi, tu couperas ça. On vous rappelle d'aller, comme je vous disais, sur nos différents canaux, que ce soit liker notre page Facebook, aller sur notre page Google+. Nous, on y va pas, mais vous pouvez y aller. les différents forums de Mac Québec, Mac Québec Entraide. Est-ce que le forum est encore actif? Le forum? Forum Mac Québec. Forum Mac Québec. Ça existe, j'imagine, oui. OK. Donc, Forum Mac Québec. Vous pouvez aller aussi laisser vos commentaires sur iTunes. On apprécie beaucoup les recevoir. Puis, sur la page de Mac Québec, commentaires sur le blog, dites-nous si ça vous intéresserait, en fait, un MacBQ. Il y a déjà des gens qui nous disent qu'ils seraient intéressés. Excellent. Sinon, messieurs... Ça fait le tour. Oui. On va retourner hiberner. Hiberner pour l'été. On va aller sous la gueule. C'est ça qu'on va faire. Monsieur Jean-François Roy, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les Twitter? Sur les internets. Sur les internets, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @JFRoy1979, canal classique, Facebook, Google+, moi, on oublie ça. Puis, c'est ça. Bernard? Moi, c'est pas compliqué, c'est Cybernard. Donc, que ce soit sur Twitter, Google+, n'importe où, c'est Cybernard. CYBERNARD. Excellent. Bonjour sur Twitter au JM souligné Boily. Et puis, j'ai 93 followers. Ce serait le fun de se rendre à 100 là, dans la prochaine semaine. Let's go. Allez-y, like it. Aujourd'hui, là, il va les avoir, ces 100 followers. Fait que allez cliquer sur JM_BOILY. Come on, on l'amène à 100. Y a-tu quelque chose qui se passe à 100 sur Twitter? Non. Non. Tu peux plus changer ta bio, je sais pas quoi. Et toi, Alexis? En fait, avant moi, j'aimerais remercier Benoît Mercier qui était avec nous en début de podcast, qui est resté là un bon moment, qui savait pas pourquoi. qui a perdu un pari. Non, c'est pas vrai. Il est venu de bonne foi, toujours agréable de l'avoir. Vous pouvez le retrouver, lui, sur Twitter au Mystérieux E pour le podcast Les Mystérieux Étonnants, disponible sur Choc FM et en ligne au mystérieuxétonnants.com. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Alex Cornelier sur Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver au @clickpom, C-L-I-C-K-P-O-M, et non R-N, C-L-I-C-K-P-O-M. Je peux sévir chez vous. Si vous avez besoin de quelqu'un à la maison pour vous aider avec vos problèmes à Apple, Clickpom est disponible pour vous. Ça met un terme. Ça met un terme. Ça met un terme. On dirait que j'ai de la difficulté à laisser ça aller. Merci beaucoup à tous les gens qui étaient avec nous, qui ont suivi notre présentation, qui étaient sur Twitter, qui étaient sur YouTube, qui étaient sur notre page de Mac Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'on peut nommer ceux qui sont de l'autre bord? Oui, l'équipe de rédaction, effectivement, tu as bien raison. L'équipe de rédaction, en fait, de Mac Québec, l'idée par Marc-Antoine Bertion et Kim Auclair. Mm-hmm. On a de l'autre côté, j'ai vu Benoît Chamontin passer, qui est venu nous dire bonjour, salut Benoît. On a Patrick Ducharme, feu auditeur du podcast. En fait, il l'écoute encore, mais maintenant il l'écrit pour Mac Québec. On fait ça quand vous écoutez trop le podcast, vous attrapez la piqûre et puis après ça, on vous recrute pour Mac Québec. On a Alexandre Algora, et Hugo Rollin qui sont là. On les remercie beaucoup. Jean-Marc, qui est là aux opérations. Ça s'est passé comme sur des roulettes. On est très contents. Donc voilà. Est-ce qu'on oublie quelqu'un? Merci Rogers, merci Tabarot. Non, mais je veux pas en oublier, tu sais. Non, mais c'est pas ça, parce que Crapule, il vient de tweeter. Suivez GM à 100, il fait tirer une Harley. À 200, il fait tirer une maison. À 500, il fait tirer Virginie Coussa. Je pense que tu vas avoir ton 100 followers. Je suis rendu à 96, déjà. T'es fait. Oh my Excellent. God! On remercie Yann pour la portion podcast envahisseur. Faut que tu changes ton profil. T'es toujours à Chambly, hein? Ah oui, je vais le changer. On reste en ligne jusqu'à temps qu'il soit à 100. Non. Ah ouais. Follow. 100. Il en reste 3. On le suit tout? JM _ Boily. Hey. Vas-y. Allez sur le concours de Coopcam. Ouais. On ne sait plus quoi dire. On va terminer ça. On va terminer ça là. Dans 3, 2, 1. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.